Il semblerait que nous soyons live. Nous sommes dans le live, oui. Un carré jaune indique l'affirmative. Excellent. On marque donc, en direct ici. Bon, Première fois qu'on utilise la nouvelle version de Google Hangout, hein, faut le dire. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas utilisé. Exactement. Parce que ceux qui sont joints à nous et qu'ils n'ont pas encore entendu le thème, parce qu'officiellement, on n'a pas encore commencé le show. Puis il y a une panne d'électricité au headquarters. Au Mac Québec Headquarters. Je ne sais pas si vous avez vu le film Capitaine America, mais tu sais, le Lee Carrier qui rentre dans un building. Ouais, c'est ce building-là. Fait qu'on n'a plus. Mais nous serons de retour dans deux semaines. Bref, on part de ça. Oui, yep. Vas-y. D'habitude, on fait 3, 2. Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Yeah, hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. Thank you. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple, commentaires et critiques, vos questions, nos réponses, et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuébec.com. Mardi 29 avril 2014, bienvenue au podcast Mac Québec. Aujourd'hui, on vous parle des nouveaux MacBook Air. Une petite mise à jour de seulement 100 MHz pour 100$ de moins. Et bien d'autres choses. C'est un intro de marbre. Tu as vraiment, vraiment des problèmes de bande passante avec ton interview. Ah ouais, ton son, dégueulasse, là, le son. C'est dégueulasse, là. Désolé, on fait... Non, c'est pas grave. Bienvenue au Québec. On a eu un petit problème avec notre studio. On est situé au sixième étage et malheureusement, il y a eu des inondations qui nous ont touchés de plein fouet. C'est pas vrai, il y a eu une panne électrique. Sixième. On n'a pas pu utiliser les studios. Donc, on avait de l'eau jusqu'au genou. Oui, voilà. On s'excuse de ce setup archaïque utilisé par des podcasts plus amateurs que le nôtre, mais c'est pas vrai, j'essaie juste de... Non, c'est... La conversation. On s'excuse du son, là, parce que Hangout, c'est pas le meilleur, disons. Fait que... Effectivement, mais on aurait pu utiliser Skype, parce que Skype, maintenant, a rejoint 2012. Et cette semaine, en fait, il y a une nouvelle version qui est sortie qui comporte le multicaméra, c'est-à-dire une fonctionnalité qui était réservée avant seulement. Qui était payante avant. Payante, oui. Bienvenue au podcast Mac Québec. Je vous présente à l'instant mes deux co-animateurs. Oui, j'ai scrappé toute l'intro. Donc, il aime bien, quand il fait des tests de Hangout juste avant un podcast, faire ça à partir du bol. Jean-François Roy est avec nous. T'es en parler. Tu m'appelles la toilette, puis tu penses non, que... Non, je t'ai pas appelé de là. Ah, là, c'est correct, là. Oh, je pensais pas que t'allais répondre. Ben ouais, ben là, je suis en train de préparer les affaires, tu sais. OK, c'est bon. Donc, malheureusement, il ne pourra pas être dans la salle jeudi prochain quand Spider-Man 2 sortira parce qu'il sera en train de vendre du popcorn. Jean-Michel Boilly est avec nous. Hey, bonjour Alexis. Excité. Il n'y aura personne au cinéma jeudi soir. C'est la première game du Canadien contre les Bruins de Boston. Oui, c'est ça. On va se faire sûrement un party d'employés dans la salle de Spider-Man s'il n'y a personne. les critiques vont dire que Spider-Man a bizarrement pas pogné au Québec. Les ont été pourris et ils vont arrêter la franchise. Tout ça à cause du Canadien de Montréal. Une équipe qui a les mêmes couleurs de suit que Spider-Man. Exact. Messieurs, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas parlé. Est-ce qu'il y a chez vous des coups d'os ou des coups de douze? Cette chronique qui nous permet de sortir un petit peu du carcan de Apple, parce qu'il faut bien le dire, il y a quand même un on est un petit peu encarcané. Et ça nous permet de parler d'autres choses, soit du domaine technologique at large ou même de d'autres choses. On en profite souvent pour parler de politique des fois. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait tiquer dans les deux dernières semaines? Ben, Eddy Savoie qui vaut 1,5 milliard. Il y a plein de petits vieux au Québec. Ils les exploitent. Nous autres, on s'en soucie même pas. C'est correct. C'est correct, c'est ça. Mais là, il vaut 2,5 milliards maintenant. Imagine quand les baby boomers vont commencer à aller vivre dans les résidences soleil ou autres centres de personnes âgées. Là. La valeur va exploser. C'est clair. Je pense que je vais arrêter technicien informatique. Je vais me partir un centre de petits vieux. Ah ouais, c'est clair, là. C'est comme. Mais non, y a-t-il quelque chose en politique? Non, à date, un nouveau gouvernement, ils viennent d'arriver, fait qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ben oui, oui, ça fait 22 jours qu'ils sont là, ils ont mis en place l'austérité, c'est le nouveau mot. Austérité. Ouais. Ça aurait été n'importe qui, by the way, qui aurait été au pouvoir, il aurait été obligé de faire preuve d'austérité. On s'en va dans un mur économiquement, les revenus, et ça dépend pas du gouvernement, mais ça dépend de nous autres qui réussissons. Ils sont pas assez hauts et ben, à ce moment-là, il y a un manque à gagner. Oui. Donc, pas l'argent pour se payer les hôpitaux pour les vieux, pour payer pour Dr. Barrette, puis tout ça. Voilà. Bon, ben, non, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Vous avez quelque chose, vous autres? Moi, j'ai rien. Là. Moi non plus, j'ai pas grand-chose qui m'a fait chier de ce temps-ci. Là. Non, on est comme. J'ai une molaire qui me fait mal. Ah, bon, c'est bien. Bon! Bon, on va commencer les nouvelles. On commence les nouvelles. Ça bouge pas. Mac Québec, le podcast. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Bon, merci Bernard pour cette fabuleuse publicité. En plus de ClickPom, on aimerait remercier nos autres collaborateurs, c'est-à-dire Coop UQAM, ReptileTech, iRepair Montréal, chez qui je suis allé cette semaine. C'était occupé. Je voulais parler au monde, puis prendre ça relax, puis jamais ils ont eu le temps. Voilà, il y a pas mal de monde qui vont là, c'est très intéressant. Et il semble qu'on leur envoie pas mal de gens aussi, donc les sauveurs de vie professionnelle au 184 Sainte-Catherine. L'INIS, je vais finalement aller faire la formation Final Cut, les 5 jours pour Final Cut 100 et 200. Donc, ah ouais? Je vais pouvoir vous en parler en revenant. Et, quand est-ce que vous? En fin mai? Le 24 mai. Les dates que je pouvais pas, là. Exact. Mm-hmm. Donc, on va aller faire ça. Et on remercie aussi Telestream Wirecast, qu'on n'utilise pas, par contre, ce soir. Non. Je vais aussi aller faire la formation terminale pour en savoir un peu plus. C'est sûr que je l'utilise, je le connais un peu. Il y a des fonctions qu'on connaît, mais je veux en apprendre un peu plus là-dessus. Et il y a Mario Blais qui donne une formation sur le terminal, ce petit prompt de commande dans lequel on peut faire pas mal de choses. Très puissant. Et excessivement puissant. Les gens ne savent pas que c'est là. C'est un peu comme le CMD, le Command Prompt sur... Ouais, le bon vieux DOS. Mais c'est beaucoup plus puissant même que ça parce que c'est on a vraiment accès à... Ça doit être intéressant à faire vraiment une formation sur les fonctionnalités plus avancées de Terminal. Justement, il y a des fonctionnalités quand même assez de base que j'utilise souvent, mais c'est vrai que c'est très puissant. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise rarement là, sur Terminal qui doivent être intéressantes à savoir. Ben, il y a des fonctionnalités. Tu sais, par exemple, tu veux renommer un compte d'un client où, tu sais, on a un compte sur cet ordinateur-là, mais c'est à une ancienne personne, on veut le renommer, blablabla. Bla, bla. Il y a simplement des options MV, Move, qui permettent de remettre le compte à la même place, mais tu peux le renommer, puis ça touche à rien, ça va super bien. Donc, on le suggère. Moi, je viens d'y penser, j'ai un coup d'os à remettre. Je suis tombé sur un nouveau podcast cette semaine qui s'appelle Control Command Power. Faites-le pas sur votre clavier, ça va fermer votre ordinateur. Désolé pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc, c'est Control Command Power. C'est un raccourci qui ferme l'ordinateur très rapidement. Mais c'est aussi un excellent podcast qui est fait par deux consultants de Louisiane, si je ne me trompe pas. Et ils font ça sur Skype. Donc, c'est que audio. Et il y a 40 quelques épisodes quand même qui sont faits. Et c'est des gars qui relatent en fait leur journée, leur anecdote de travail et qui parlent de la job de technicien Apple. Donc, c'est très, très intéressant. Ils vont parler de comment ils font du nettoyage d'ordinateur, quels outils ils utilisent, comment ils dealent avec certaines situations avec les clients. Donc, je suis en train de manger littéralement les podcasts. Il y a plein de choses très intéressantes à apprendre là-dedans. Ils ont commencé avec le WWDC. Donc, ils ont 40 quelque chose de fait, mais ils ont commencé quand nous, on faisait l'événement l'année passée. C'est intéressant, surtout que tu travailles dans ce domaine-là. Donc, oui, exactement. Moi, je suis accro, là, puis même qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont fait des émissions spéciales qui ont beaucoup inspiré ClickPom à offrir des nouveaux services. On vous en parle de toute façon bientôt au podcast, mais c'est fort intéressant. Je vous le recommande comme podcast. Et puis, pour le coup de 12, je vais faire une attaque préventive. Je me suis acheté un Chromecast. Oui, montre-le à l'écran. Il est sur la table là-bas. Faudrait que j'aille le... Et, je me suis acheté un Chromecast. Je suis sûr que c'est très bien pour le monde qui n'a jamais eu de Apple TV. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je suis sûr que je vais avoir à dire plein de mauvaises choses là-dessus. Pas vrai, je l'ai acheté, je veux le tester, je vais y goûter un peu. Puis on va pouvoir faire des tests avec la nouvelle tablette de Jean-François qui va s'acheter bientôt. Donc, bientôt. Intéressant. Un concept qui est intéressant du Chromecast, contrairement à un Apple TV où le contenu streamé provient de la machine et donc la vie de la machine doit être maintenue. C'est-à-dire, si je stream à partir de mon iPad, je ne peux pas le fermer. Alors que le Chromecast, lui, c'est j'utilise mon appareil comme une télécommande. Mm-hmm. Et une fois que le contenu est démarré, ben, je peux continuer à le contrôler avec mon iPhone. Mais si je ferme le téléphone, le contenu est vraiment, c'est vraiment l'appareil qui le drive. Donc, c'est comme une espèce de Raspberry Pi avec une antenne Wi-Fi dedans. Et lui, il va directement chercher le contenu qui stream à la télévision. Là-dessus. Donc, c'est pas mal intéressant. Puis, je voyais qu'il commence à avoir de plus en plus d'applications qui l'intègrent, le Chromecast. Donc, c'est une belle solution. Pas cher, 40$. Effectivement, c'est pas dispendieux. Et puis, moi, je l'ai acheté sur Amazon. Amazon ont une offre pour s'inscrire à Prime gratuitement pendant un mois et de bénéficier, en fait, des avantages de Prime. Donc, ils avaient une clé USB, USB 3, 32 gigs de SanDisk que j'ai commandé. Je vais m'en faire une petite clé USB Rescue là, avec un paquet d'outils dessus. Là, Tech Tool, Drive Genius, Data Rescue, alléluia. C'est intéressant, c'est pratique, l'essai de 30 jours d'Amazon Prime. Mais par exemple, n'oubliez pas de canceller votre essai. Vous pouvez même le faire la journée après vous être inscrit. Vous faites juste désactiver le renouvellement automatique parce que sinon, après les 30 jours, ils facturent le 79$ plus taxes par année sur la carte automatique. OK, excellent. Donc, je vais aller faire ça tout de suite après le show. Mm-hmm. Pas l'oublier. Dans les notes du show. On vous rappelle que vous pouvez nous soumettre vos questions et vos commentaires sur les sujets que nous allons aborder aujourd'hui via Twitter en utilisant le hashtag PodMQ sur la plateforme forum de Mac Québec. Que vous trouverez en allant sur macquebec.com ou en nous écrivant au podcast@macquebec.com. Et pas par téléphone, parce qu'on m'a dit « étouffe-toi avec » quand j'ai proposé quand j'ai proposé qu'on ait le téléphone qui fonctionne pour tout le monde. C'est pas toi qui as le setting à distance comme ça. C'est assez compliqué. Surtout déjà que j'ai du trouble avec la petite console ici que j'ai à brancher mon micro à mon ordinateur et à m'entendre. Donc, voilà. Et si vous nous écoutez en direct, n'hésitez pas à réagir sur Twitter, comme j'ai dit. Ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur iTunes. C'est très apprécié. Et on a reçu des emails d'encouragement à ne pas laisser tomber durant les dernières semaines. Ça fait très plaisir. Mm-hmm. Et saluer, en fait, Samuel, que j'ai rencontré justement chez iRepair Montréal quand j'y suis allé, qui m'a reconnu par ma voix. Voilà, ça fait toujours chaud au cœur. Puis je me dis, ouais, il ne faut jamais, c'est juste un podcast. Et s'il y a du monde qui me reconnaissent ou qui vous reconnaissent, les gars, ben, en tout cas, moi, la manière que je le prends, c'est que je suis super content qu'ils me reconnaissent. Je parle avec eux autres, puis j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont à dire à propos du podcast. Donc, ce Samuel, qui était un technicien de son, je lui avais proposé de venir faire un tour pour nous montrer, peut-être nous expliquer un petit peu la console qu'on utilise, qu'on maîtrise, mais si on connaît les termes et tout ça, puis bon, savoir d'où peuvent provenir les problèmes, ça peut nous aider à commencer le show plus à l'heure. Et donc, je lui avais proposé, il voulait venir aujourd'hui. Ben, on n'a pas répondu, mais tant mieux parce qu'il n'y avait pas d'électricité finalement, on n'avait rien pu faire. Exact. Donc, voilà, je remercie Samuel et les autres qui nous donnent des commentaires. Les gens de la France aussi, il m'arrive d'aller sur le magasin français pour aller lire les commentaires, mais si vous voulez nous en laisser l'un qu'on voit qui peut nous aider. Faites juste changer le magazine pour le magazine canadien. Laissez un commentaire sur le podcast. Ça va nous faire très plaisir. Sinon, on va voir de temps en temps, mais il est possible qu'on ne prenne pas votre commentaire à chaque émission. Ouais. Voilà. Sinon, messieurs, on commence en nouvelles? Oui. Ben, on est déjà normalement en nouvelles. Ouais, on va continuer. Fait que la nouvelle aujourd'hui, qui est tombée ce matin, on s'en attendait parce que les rumeurs allaient de bon train. Apple ont mis à jour la gamme de MacBook Air. Mm-hmm. Avec c'est une mise à jour. Une petite série. Mise à jour. Là. 100 MHz. C'est très petit. Un speed bump chez Apple. Ce qui est intéressant, par exemple, de ces mises à jour-là, c'est que les appareils sont rapidement disponible. Donc, on n'a pas besoin d'attendre parce que c'est une nouvelle technologie de fabrication. Finalement, c'est juste le processeur qui a changé. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est probablement pour ça que c'est aussi rapide. Là. Il n'y a pas eu de changement dans l'organisation interne de l'ordinateur à part le processeur. Probablement qu'ils ont juste été obligés de changer parce qu'il n'y avait plus de 1.3. Tu sais. Probablement, oui. Ça devenait plus cher. Ils ont comme demandé un prix pour un 1.3 puis un 1.4. Ils ont dit, ben on te le fait moins cher, le 1.4. Ils ont fait, OK, on va updater. Fait que sont rendus là. Je pense que Apple va avoir des petits problèmes parce qu'en octobre, il n'y aura pas de grandes technologies qui vont être sorties pour, ou en tout cas, pas qu'on voit à l'horizon. Des fois, ils ont des petites primeurs chez... Ça sera peut-être pas une grande technologie, des changements au niveau de la technologie, mais plus peut-être des changements au niveau de l'optimisation puis des choses comme ça. Là. On espère. Peut-être qu'éventuellement, le Touch ID va faire son apparition sur l'ordinateur aussi. Donc, ça reste à voir. En fait, de redémarrer mon ordinateur, il y a les notifications qui me gossent sur le côté. Redémarre, tu as une nouvelle mise à jour de 10.9.3. Ouais. Bêta, il faut dire aussi en passant. Là, on va en reparler aussi. On va juste finir avec le MacBook Air. Oui. Apple a annoncé aussi qu'il coûtait 100$ de moins aux États-Unis. Parce qu'ici au Canada, la parité du dollar canadien ne matche plus avec nos voisins, les États-Unis. Alors, ça a pris du temps à Apple à reconnaître la parité, mais ça nous a pris beaucoup moins de temps à reconnaître la déparité du dollar là, qui commence déjà à faire une différence entre le prix là, des appareils aux États-Unis et au Canada. Oui, parce que comme là, Apple annonce 100 $ de moins. Avant, il était 999. Il est 899 le modèle de base. Mais ici au Canada, il est encore 999 à cause du 0,90 sous de notre dollar canadien. Alors, c'est un peu plate parce que moi, je trouve que ça ne vaut pas vraiment la peine d'acheter le modèle qui vient de sortir aujourd'hui. Vous êtes mieux d'aller sur le... sur le refurb. Oui. Et vous allez avoir le modèle avant qui va avoir les mêmes choses, à part le Thunderbolt 2, je pense, qu'ils ont intégré dans celui-là. Non, même pas? Non, je pense pas. Ah, OK. Ça fait que c'est la même maudite affaire, là. Oui, exactement la même chose. OK, fait que c'est juste une baisse de prix. OK, fait que c'est ça. Fait que pour les Canadiens, vous êtes mieux d'aller sur le refurb du store canadien et vous allez payer le modèle avant beaucoup moins cher pour le modèle de base à 11 pouces qui devrait être... Aux États-Unis, il est 599, je crois. Je ne sais pas, au Canada, je n'ai pas été vérifié. Je vais aller voir ça direct, là. Puis ça vaut vraiment la peine parce que là, si vous voulez payer ça, le plein prix à 999, là, c'est en bon québécois, vous faites fourrer main d'aplomb. Chose qui est intéressante à noter, c'est que la descente de prix, du moins aux États-Unis, correspond en fait au prix du iPad le plus élevé. Donc un iPad 899 et le MacBook est 899 aussi. Et il comporte un disque de 128 gigs, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Le modèle 11 pouces à 128 gigs. OK. Donc, tu rentres dans le magasin et tu as quand même un choix à faire pour le 900$ que tu as. Est-ce que tu veux un MacBook Pro, un MacBook Air? Puis moi, je pense que c'est un appareil qui est plus complet, plus versatile qu'un iPod. Je vois pas qu'un iPad. Je vois pas qu'est-ce qu'on ferait avec... c'est vrai qu'on est rapidement limité là, avec un espace de 16 gigs, mais 32 ou 64, normalement, on ne devrait pas avoir bien, bien plus que ça. Sauf si, par exemple, vous êtes photographe. Et à ce moment-là, si vous êtes photographe, ben, on vous recommande plus un ordinateur qu'un iPad. J'ai la réponse du refurb. Parce que là, quand on va se parler, on n'essaiera pas de se parler un par-dessus l'autre parce que ça coupe. J'ai la réponse sur le refurb. Le modèle de base qui date de juin 2013, c'est au WWDC, la dernière version qu'ils ont sorti, oui, est 799. C'est 200 de moins. Et vous avez la même machine. C'est exactement la même machine qui est sortie aujourd'hui pour la baisse de prix de 100 aux États-Unis. Et si vous voulez aller, ça c'est pour le 11 pouces, si vous voulez aller pour le 13 pouces, il est 128, ouais, c'est ça, il est 899. Et si vous l'achetez neuf présentement, le 13 pouces, ça c'est le 1.3, il est 1100. C'est 150 là, ça paraît là. C'est quoi l'option pour mettre le disque dur le plus gros dans le MacBook Air? Dans le Air, je pense que j'ai vu, c'est 512. Ah, OK. Tu as le charge à 300$. C'est un choix. C'est un choix qu'on doit faire à l'achat parce qu'on ne peut pas le changer après. La mémoire non plus. Uh-huh. La mémoire non plus, ça vient qu'avec juste 4 gigs de RAM de base, ce qui n'est vraiment pas suffisant. Fait que si vous voulez, vous mettez 8 gigs minimum, ne peut pas aller plus haut. Et après, ça coûte 100 de plus pour mettre 8 gigs. Moi, j'irais plus pour le 100$, j'irais plus pour mettre le 8 gigs que changer le disque dur en partant. Là. C'est comme ça coûte déjà assez cher chez Apple de sauter d'un double du simple au double en quantité. Alors, c'est à vous de voir. Et oui, c'est parce qu'on peut dire que c'est l'entrée de gamme du portable chez Apple, là, vraiment. Là, parce que vous ne ferez pas du Final Cut avec ça. Là. C'est comme vous allez faire du iPhoto, du iMovie, mais vous ne ferez pas de Final Cut de Lightroom, oui. Mais sinon, il va falloir que vous alliez dans le MacBook Pro, que lui commence à 1249, je pense, là, avec le modèle de base de Retina. Oui, c'est plus cher. C'est plus cher. Fait que, mais moi, j'aimerais ça qu'ils m'en ressortent un autre avec les dernières technologies du Retina, mais pas de Retina. Moi, je m'en fous. Ça m'étonnerait qu'ils fassent ce move-là, vu qu'ils ont fait vraiment un move vers le Retina. Ça m'étonnerait qu'ils retournent vers les écrans réguliers, parce que ce serait comme affirmer que c'est pas que le Retina, c'est pas la technologie que les gens veulent, comme ils croyaient l'année passée. Mais ça m'étonnerait qu'ils fassent ça. Ben moi, j'en veux pas. Je veux dire, payer pour ça... Oui, c'est sûr. Mais il faudrait qu'ils réduisent le coût de fabrication là, pour pouvoir cher, réduire le coût de vente. Ils peuvent juste réduire le coût de fabrication s'ils en font fabriquer assez. Donc, c'est pour ça que actuellement, ils sont en train de l'intégrer sur toutes les gammes. Ça a commencé avec les gammes les plus dispendieuses et ça descend tranquillement au fur et à mesure où ils sont capables de faire des économies de masse sur le produit. Donc, éventuellement, ils vont arriver à un prix qui est correct pour d'un côté. Puis c'est l'avantage des ordinateurs à Apple. T'as-tu vu d'autres ordinateurs qui ont des écrans Retina, à part quelques Chromebooks peut-être, là, mais il n'y en a pas. C'est ça. Les ordinateurs sont 600-700$, mais ils n'ont pas ces technologies-là. Et il faut le dire, là, cet écran-là est quand même de bonne qualité. On voit la différence à force de travailler dessus. C'est sûr que quand tu vois un ordinateur comme quelques secondes, tu fais comme « Ah oui, il est beau, mais tu ne le sais pas vraiment. » Là, tu sais, mm-hmm. Voilà. On a aussi... qu'est-ce que j'avais... Attendez un peu, ça ne marche plus mon affaire. Qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, Apple, c'est ça, on parlait de 10.9.3 tantôt. Oui. Apple, on parlait de ça au resto quand on est sorti du building qui n'avait pas d'électricité plus tôt. Apple ont mis en ligne maintenant, tout le monde peut avoir accès aux versions bêta de OS X. Et là, on parle de OS X, là, un portable, et non de iOS. Là. Fait que, OS X pour les ordinateurs à Apple. Oui. Tout le monde peut avoir accès maintenant, même si vous n'êtes pas développeur, vous vous rendez sur le site Apple et vous vous inscrivez avec votre Apple ID. Ça va vous rendre dans une autre page. Vous téléchargez un petit logiciel, vous l'installez et ça va vous ouvrir Software Update. Et par magie, vous allez voir apparaître 10.9.3 bêta. Et vous allez avoir accès maintenant à toutes les versions bêta et même la version de 10.10 qui s'en vient en juin. Est-ce que ça a été confirmé, ça, qu'on va avoir accès à la bêta 10.10? Non, mais je pense que oui. Je comprends qu'ils donnent accès aux bêta de 10.9.3 ou aux bêta de Mavericks au moins parce que les fonctionnalités restent quand même similaires, mais de là à donner accès à la bêta du futur système d'exploitation quand Apple sait très bien que les pilotes pour certains périphériques ne sont pas mis à jour, les pilotes pour les imprimantes ne sont pas encore mis à jour. Oui, ouais, c'est ça qu'il faut dire aussi. Là. C'est une version de bêta. En ouvrant à tout le monde, il y a du monde qui ne comprendront pas vraiment. C'est quoi la différence entre la version bêta puis la version finale du produit? Puis ils vont se ramasser avec des systèmes qui ne fonctionneront pas là, finalement. Je ne sais pas si laisser tout le monde accéder à ça, c'est vraiment bénéfique pour Apple. Surtout les versions futures là, du système d'exploitation. Mais il faut dire aussi que quand tu te rends sur le site d'Apple, là, il ne l'affiche pas en gros. Hein? Il ne l'affiche même pas. Oui, il faut le chercher. Il faut que tu le cherches. Il faut vraiment que tu suives l'actualité à Apple. Mais quand même, quand le 10.10 va être annoncé, les sites vont tous reprendre ça. Ça va être annoncé probablement au WWDC ou peu de temps après. Les sites vont tous prendre ça. Puis là, monsieur, madame, tout le monde va voir les nouvelles fonctionnalités. Puis là, va vouloir l'essayer. Puis probablement, qu'en cherchant ça, tu vas tomber sur la page du programme bêta. Puis si c'est vraiment ouvert pour 10.10, que tout le monde peut s'inscrire, il va y avoir du monde qui vont chialer justement parce que c'est vraiment pas toutes les choses qui sont compatibles, autant pilote que logiciel, quand la première version du système sort. Mm-hmm. Oui, tu as raison. Ouais. Ça peut arriver aussi. C'est peut-être que le logiciel qui est installé, que Apple fait installer au monde, ça va juste arrêter à 10.9. Là. C'est les ça. Prochaines versions qui vont arrêter, je pense que 10.9. 10.8 avait fini à quoi? 10.5. Fait que. Comment ça s'appelle celui-là? Là? Pas Mountain Lion. C'est quoi le nom de celui-là? Là? Mountain Lion qu'on a? Ouais, c'est ça. Ouais, fait que. C'est ça. Fait que ça ira pas plus loin, je pense. Là. Fait que. vu que les systèmes changent à tous les ans maintenant, ils ne peuvent plus aller comme à des versions comme Tiger, que ça s'est rendu à 10.4.11. Là. Fait que Tiger, il y avait eu beaucoup de versions. En plus, quand il y avait la version PowerPC et la version, c'était la première version Intel du système. Deux versions séparées. Là, qui... Ouais. C'était avait deux versions séparées dans le temps. Là. C'était comme... c'était quelque chose. On parle de la iWatch, on en a parlé, même si ce sont des rumeurs, on en a parlé quelques fois à ce podcast, entre autres, à quoi pourrait servir une montre comme ça. Tu te demandais, en fait, Jean-François, tu sais, ça servirait à rien. Puis moi, j'avais parlé d'un produit qui pouvait être très intéressant pour la population vieillissante avec un senseur sur le bras qui permet de regarder leurs signes vitaux avec la maquette de Healthbook qu'on avait eue. Si on a besoin de d'autres signes que Apple s'en va vers ce marché-là, il y en a deux très, très forts qui sont apparus au cours des deux dernières semaines, entre autres choses. Apple, quand on est une compagnie, en fait, on donne le champ d'expertise dans lequel la compagnie existe. Par exemple, tu pourrais faire une compagnie... Tu sais, il y a McDonald's, les cigarettes, puis il y a McDonald's, le restaurant. Puis McDonald's, le restaurant, pourrait pas décider de commencer à faire des cigarettes sous le nom de McDonald's parce qu'il y a déjà une compagnie qui le fait. Donc, par exemple, Apple, la compagnie d'ordinateurs, a été en conflit déjà avec la compagnie des Beatles qui faisait de la musique. Et normalement, ils avaient signé il y a très longtemps une entente comme quoi jamais Apple irait dans le domaine de la musique. On sait que l'histoire a changé tout ça. Les Beatles sont maintenant sur l'iTunes Store. Apple peut maintenant vendre de la musique avec la marque Apple. Mais ils ont récemment étendu leur nom, étendu le nom de la marque aux bijoux et aux montres. Donc, ils ont agrandi ça. Et il y a aussi récemment une nouvelle recrue dans le domaine de la santé qui a été engagée chez Apple. C'est une jeune demoiselle qui, si on se fie à son curriculum, elle s'appelle Divya Nag. Mm-hmm. Et selon le Wired, le Wired fait une liste des gens qu'il faut regarder dans différents domaines. Mm-hmm. Et Apple en a engagé quelques-unes de ces personnes-là, dont Divya Nag récemment. Et cette personne-là, en fait, c'est intéressant parce que sur son profil LinkedIn, on apprend qu'elle a aidé plus de 35 compagnies à faire le planning de lancement de leurs produits et obtenir les agréments de mise en marché pour la Food and Drug Administration américaine. Donc, quand on met sur le marché un produit médical, il faut que ça passe par la Food and Drug Administration. Et cette fille-là est spécialisée dans ça. Donc, ce sont deux gros signaux qu'il y a effectivement quelque chose qui s'en vient chez Apple. Si on en cherche un autre, eh bien, Nike a complètement fermé sa division de... wearable computing, donc de l'informatique portable, une grosse tendance qu'on voit apparaître. Puis tout le monde, en fait, attend un petit peu. Même si Samsung a sorti deux montres qui ne valent rien, les reviews sont complètement ridicules. Là, sur ces les gears, là, ouais. Les gears, ça ne vaut pas de la chenoute. Non, mais c'est ça. Donc, tout le monde attend le move de Apple et on a bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont sortir. On le rappelle, en fait, le Healthbook est capable de regarder la circulation sanguine, le taux de sang, l'hydratation, donc probablement par regarder la sueur. Votre nutrition, le sucre dans le sang, l'activité que vous faites, c'est la même chose, nutrition, le sucre, le sommeil, la respiration, la saturation d'oxygène dans le sang et le poids. Et donc, avec tous ces signes-là, si la montre est capable de le prendre, d'après moi, c'est capable de vous prévenir que vous avez un certain nombre de maladies ou de situations de santé qu'il faudrait peut-être regarder. Donc, j'ai bien hâte de voir, moi, qu'est-ce que ça va faire pour les gens. Moi, j'ai tellement pas d'attrait pour cette montre-là, là. Tu sais, on a tellement entendu parler depuis... C'est comme la ITV, je ne sais même pas si ça va sortir. Tu sais, on a tellement entendu parler que je me suis tanné d'en entendre parler. Fait que je ne sais pas de... Je sais pas ce qu'ils vont faire pour, tu sais, pour nous dire « Wow, faut que tu en achètes une. » Tu sais, là, les early adapters comme nous autres, là, qui se pointent... C'est que toutes ces rumeurs-là, là, c'est tellement... Les gens sont tellement excités à l'idée d'avoir ce produit-là puis à l'idée d'entendre les nouvelles choses qui sont même pas vraies, là, que les gens croient vraies. C'est que n'importe quel site peut dire n'importe quoi qui a l'air moindrement crédible, là, que c'est pas... Tu vas pas parler d'un clavier laser, d'un écran holographique, c'est sûr que tu vas perdre tout le monde, mais tu parles de n'importe quoi de moindrement crédible. Tout le monde va aller lire ça, tout le monde va partager ça sur Twitter, va partager ça n'importe où, parce que ils sont excités à l'idée d'avoir un produit comme ça, mais à l'idée de savoir s'ils vont l'acheter, c'est d'autres choses. J'ai plus d'intérêt pour acheter les Google Glass. C'est vrai? Que la montre de Apple. Oui. Je sais pas, là, mais moi, j'ai... Les Google Glass, on se demande encore à quoi ça va servir, tu sais, récemment. C'est comme la montre? Ben non, pas nécessairement. En fait, si... moi, je me demande si la montre va pas... m'aider à me motiver pour me prendre en main au niveau de la santé. Tu sais, on en parle quelquefois, de gamifier, de transformer en jeu cette espèce de... Bon, moi, me mettre en forme, ça ne m'attire pas plus qu'il faut. Est-ce qu'avoir une montre qui m'aide, tout ça, je n'ai pas encore embarqué dans les applications qui aident à ça, là, les Zombie Run, les Run Keeper, les trucs de Nike... Des trucs comme ça, je ne l'ai pas fait. Je me demande si une montre comme ça ne pourrait pas m'aider. Puis, on n'est peut-être pas le public cible non plus parce que, tu sais, on a en bas de 40 ans, on se sent encore immortel. C'est peut-être plus un produit qui va être vendu aux gens qui commencent à avoir des problèmes de santé. Est-ce que ces gens-là, c'est la clientèle cible d'Apple présentement? Ça m'étonnerait qu'ils lancent un nouveau produit comme ça, qui s'adresse à une clientèle qui n'est pas leur clientèle présentement. Ben, c'est leur clientèle parce que la clientèle d'Apple, c'est 80% des gens. On se rend compte qu'il y a un public beaucoup plus vieux qui adopte iPad, iPhone, parce que c'est plus simple pour eux que d'utiliser un ordinateur. Les vieux d'aujourd'hui sont peut-être pas aussi tech-savvy que, tu parlais des baby boomers. C'est des gens qui ont quand même travaillé toute leur vie avec une informatique à la job. Là, ça fait 30 ans qu'ils sont sur le domaine... qui sont au travail, peut-être plus que ça, mais ils ont eu une grande partie du temps un ordinateur, donc ils sont quand même relativement habitués. Ils ont de l'argent de côté, ils veulent vivre le plus longtemps possible. S'ils pensent, si Apple propose ce produit-là qui peut leur permettre de vivre le plus longtemps possible, ça peut être intéressant pour eux, puis ces gens-là vont l'acheter. Il faut comprendre que... peut-être qu'on se dit « Ah, ils vont rajouter ce produit-là ». Les produits qu'ils ont, et Jean-François pourra nous en parler, là, mais les produits que vous vendez actuellement là, pour prendre le blood sugar, le sucre dans le sang et des trucs comme ça. Là, les lecteurs, les glucomètres, là, finalement. Ça ressemble à un Walkman des années 80, on s'entend. Là, c'est pas… Ben plus maintenant. Plus maintenant, on a reçu des… Il y en a des nouveaux, là, c'est d'une clé USB, là. OK. Ça fonctionne. Là. Je les teste toutes à la pharmacie. Moi, je dis à mon boss, là, on a un nouveau, je vais toutes les tester. Puis en plus, que c'est clair que j'ai testé celui avec la clé USB. Là. Fait que j'ai pris un ordinaire. Oui. Puis j'ai pris celui de la clé USB. La clé USB, tu la mets dans ton ordinateur et ça installe un logiciel automatique. Et avec ton crayon, tu mets une goutte de sang sur la bandelette et tu vois tous tes résultats à l'écran. Comme par magie. Est-ce que l'application est intéressante à regarder? Est-ce que ça garde les scores? Ça te met Oui, ça garde tes scores. Tes scores, c'est pas un score, là, calculer ton taux de diabète. Pas un chart, tu sais, voir. Oui, c'est ça, exactement. Oui, non, ça te montre vraiment ce que. Excusez-moi, je vais me reprendre. L'application est très belle. C'est super bien fait, c'est intuitif. C'est fait pour monsieur, madame, tout le monde. Même si la personne, comme tu disais, les baby boomers ou Apple s'en va plus avec les personnes plus âgées pour les iPads, les iPhones, c'est très intuitif. Là. C'est très intéressant. Et ça, en plus, ça fonctionne bien parce que j'ai fait le test entre un ordinaire et la clé USB. J'ai eu peut-être 0.1-0.2 d'écart. Là. Ça doit être la marge d'erreur normale, là, même. Là, ben ben oui, c'est ça. Si tu fais deux tests un après l'autre, ce ne sera pas le même. Non, mais non, c'est ça. Fait que, mais non, ça fonctionne bien. Mais pour venir à la montre, je sais pas. Faudrait vraiment qu'ils viennent me chercher pour que je garoche, genre, parce qu'ils ne te mettront pas ça à 100$, là, on s'entend, là. Non, mais au dernier podcast, on parlait qu'il y avait des rumeurs comme quoi Apple essaierait peut-être de le faire un peu de la même manière que les fournisseurs de services de téléphone payent une subvention sur le téléphone pour le vendre moins cher. Mais c'est déjà commencé chez Rogers. De quoi ça? Avec la montre de Samsung. À bout, la de base, la Neo, je pense qu'elle est 200-250, je pense. Et ils te la laissent à 50$ si tu prends un téléphone de 2 ans avec eux autres. Si tu prends un S5. OK. Fait que c'est déjà commencé. Fait que ça pourrait être comme ça. Oui, mais ça serait quoi le but des ESP de vendre une montre à part de, bon... c'est vendre un truc supplémentaire, mais on sait que c'est de l'électronique, c'est un processeur dedans. Ils doivent pas faire beaucoup de marge sur la montre, à moins que je me trompe. Il faut dire qu'ils ont ils l'ont aussi vendu pas mal moins cher. Je pense que la première qui devait détailler à 300$ est maintenant rendue à 100$, quelque chose. Ah oui, c'est sûr. La batterie, ça couvre même pas le fret que tu payes avec. Fait que tellement que la batterie est pas bonne, là. Fait que. Ça grugeait tellement de jus, cette affaire-là. Ça durait 3-4 heures, puis ta batterie était morte. T'sais. Ta Pebble que tu n'utilises pas, la batterie dure plus longtemps. Là, fait que... Mais c'est à voir. Je veux dire, c'est ça. Fait qu'il va falloir vraiment qu'ils me convainquent. Ben, je pense pas qu'ils vont le montrer au WWDC. Là. L'autre chose qui me fait dire que c'est... c'est vers les gens plus vieux. Les jeunes en bas de 40 ans, je te dirais, ne portent pas de montre. Il y en a pas. La Pebble a fait que certaines personnes en ont porté. Entre autres, Stéphane Vaillancourt dit qu'il est très, très content de sa Pebble. Il y a eu des mises à jour. Je veux l'essayer si je retrouve mon câble. Mais les personnes plus vieilles sont habituées de porter... Une montre. Donc, c'est pour ça que je pense que ça serait vers eux que Apple irait. Et il ne faudrait pas que cette montre-là qui soit vendue, qu'Apple veuille leur mettre au poignet, soit si dispendieuse que ça parce qu'ils ne verraient pas l'utilité de payer 400-500$ pour une montre. Il faudrait que ce soit plus autour de 100-200. En haut de 250, d'après moi, ça risque d'être très, très dur à vendre. Oui, je pense que ouais, moi aussi. Tu sais, je veux dire, à part de calculer ton taux de diabète, ces affaires-là, puis ton rythme cardiaque, puis tout, elle va faire quoi, cette montre-là? Là? Tes notifications que tu vas recevoir sur ton téléphone ou sur ton iPad LTE, tes messages textes, je sais pas, tu sais. Elle peut servir de micro pour l'Apple TV, pour avoir un micro très près. Elle peut servir à ne pas, une fois de plus, ouvrir ton téléphone parce que tu as ta notification sur ta montre. Ce qui veut dire que comme tu n'ouvres pas l'écran de ton téléphone, ta batterie est moins utilisée. Il y a différentes choses. T'sais, il faut voir tout ce qu'Apple peut faire à l'appareil et qui, ultimement, en ajoutant chaque petit morceau, va rendre la vie de l'utilisateur plus simple. Et le truc, c'est que Apple veut pas être le premier nécessairement à sortir cette montre-là. Ils veulent juste sortir un produit que les gens vont vouloir utiliser. Mm-hmm. chez Samsung, la montre qu'ils ont sortie, c'est un produit de niche. Ce n'est pas un produit qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment un produit de niche. C'est du gadget. C'est pas un produit révolutionnaire là, en tant que tel. Ben non, il n'y a rien là-dessus. Là. À part qu'elle calcule tes battements de cœur, puis ouh! Caméra, tu peux faire du FaceTime à l'heure, j'imagine. Ben avec Hangout. Non, parlant de Samsung et Apple, Apple cette semaine ou la semaine passée, a fait quelque chose de très spécial pour la journée de la Terre. Et ils ont lancé une campagne qui s'appelle Better, qui a été mis à pleine page sur le site d'Apple, un super beau film dont la narration est faite par Tim Cook, et comment Apple ont un nouveau data center qui est complètement alimenté par de l'énergie renouvelable, des panneaux solaires, de l'hydroélectricité, aucune énergie provenant de sources combustibles fossiles. Et pour une des rares fois, Apple a fait une petite modification à son logo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars. Non. Non, ils ont mis la feuille de la pomme dans leur logo. Ils l'ont mis verte. À New York, ils l'ont mis verte. Oui, c'est vrai, moi. Très joli. C'était mignon. C'était une belle touche. Et puis, bon, c'est une campagne publicitaire. C'est du PR. C'est pour éviter que Greenpeace... les mettre encore dans les derniers du peloton en matière de nouveautés environnementales. Puis Apple fait vraiment... en fait, à certains niveaux, il y avait beaucoup de critiques envers Apple lorsque Steve Jobs était là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé sous Tim Cook. Apple devient une compagnie qui est beaucoup plus humaine. Il y a de l'argent qui a été donné à différentes causes, des mouvements qui sont faits. Puis en 2014, là, une compagnie qui ne va pas vers le green economy, c'est pas à leur avantage. C'est pas bien vu. Pas bien vu, mais on sait qu'Apple a vraiment fait des statements envers ça. Il y a quelques semaines, on parlait d'actionnaires qui disaient à Apple, laissez tomber les projets qui ne ramènent pas d'argent. Puis Tim Cook a dit, si c'est là-dedans que vous voulez investir, décrissez, tu sais, c'est pas ça qu'on va faire chez Apple. Voilà. Ouais. Sinon, on a vu le terrible film de Steve Jobs avec, comment il s'appelait, Ashton Kutcher, il y a quelques mois. Qui est rendu sur Netflix maintenant. Ah. Oui, il est sur Netflix canadien aussi, je pense. Hein. Oui, sur toutes les Netflix, il est présentement disponible. On vous disait il y a quelques semaines que Aaron Sorkin avait déposé son scénario. On savait que, le scénariste de, entre autres, Social Network, le film sur Facebook, et le gars qui a écrit pour Newsroom, série qui est présentée actuellement à Télé-Québec, avait fait un scénario, et habituellement c'est un très bon scénariste. Il y avait un réalisateur dont j'oublie le nom qui était supposé travailler sur le film et qui a quitté. Finalement, on apprenait cette semaine, c'est pas encore le film n'est pas encore commencé à tourner, on apprenait cette semaine que le nouveau réalisateur serait probablement Danny Boyle, celui qui a entre autres réalisé Trainspotting. Je regardais ça plus récemment. C'est quoi déjà le film? Slumdog Millionaire. Non. Mm-hmm. 28 Days Later, 127 Hours. C'est beau, je m'en allais faire une joke, là, mais ça va être correct. De quoi ça? Mais tu sais, Slumdog Millionnaire puis Trainspotting, là, deux affaires qui se passent dans des bols de toilettes ou dans des égouts. Là, en fait, ça changerait un petit peu de registre parce que ce serait Leonardo DiCaprio qui interpréterait Steve Jobs. C'est un meilleur acteur qu'Ashton Kutcher, ça c'est certain. On ne peut pas le nier. Les gens qui ont vu ces deux derniers films, soit Great Gatsby et The Wolf of Wall Street, le savent. C'est un, c'est un acteur accompli. Maintenant, est-ce c'est que très la... bon. Est-ce qu'il est capable de faire Steve Jobs? Probablement plus que Ashton Kutcher. Il a le regard intelligent. Il est probablement capable d'aller chercher cette émotion-là que Steve Jobs était capable de transmettre. Mais est-ce qu'on va voir autre chose que Leonardo à l'écran? Puis je ne suis pas sûr que je vais aller voir un film où est-ce qu'il y a comme plein de jeunes filles dans la salle qui vont faire « Ah, oh, c'est Léo! Il est tellement... » L'époque Titanic est passée, mais est-ce que les filles ont vraiment encore cette réaction-là avec Leonardo DiCaprio? J'en doute, là, mais... Oui, c'est sûr. Tu sais, pour l'âge qu'il a, là, c'est encore un beau bonhomme, là. Puis ses films, ils pognent, là, tu sais. C'est juste plate qu'il gagne pas aux Oscars, là, parce qu'il aurait dû gagner aux Oscars pour Le Loup de Wall Street, que j'ai vu. Que j'ai très aimé. C'est très bon comme film. C'est à voir même. Il y a même Le Loup de Wall Street qui s'en vient à Montréal au mois de mai. Le vrai, là, le crosseur, là, qui a fraudé pour 100 millions. Donc, les gens, il y a du monde qui voulait faire empêcher la conférence, justement, au Palais des Congrès. Ben, font bien. Voyons donc, Steve va être payé 30 000 piastres pour faire les conférences qui en doué 100 millions. Tiens, voyons, calique. Tiens, ben, faut bien qu'il travaille s'il veut le rembourser. Ouais, je le sais bien, là, mais sauf que, tiens, c'est un requin de la finance, là, je m'excuse, là, mais il devrait pas être là, moi. Moi, non, moi, je sais pas pourquoi qu'ils ont, en tout cas, ben, ça, c'est un autre débat, là, mais bon. C'est non, c'est comme c'est un très bon film, mais j'aimerais ça aussi. C'est vrai que ça ferait ça serait le fun de voir Leonardo dans la peau de Steve Jobs. Tu sais, comment il s'appelait celui qui a fait Silicon Valley, là? Pirate of Silicon Valley? Ouais, ouais. C'est Noah Weil qui faisait ouais, lui. Ouais, c'était bien ça aussi. Lui, il l'avait lui aussi. Ashton Kutcher, ouais, mais... Il n'est pas assez bon acteur pour rendre Steve Jobs, mais physiquement, il l'a bien eu. Là. Je veux dire, il faisait... tu sais, il a regardé comment il marchait, il a regardé, bon... Oh, il a travaillé fort, là. Il est bien imprégné du personnage, mais il avait pas... Il n'y avait pas ce qu'il fallait, je crois, pour vraiment rendre Steve Jobs. Puis là, il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais toi, on le sait, tu es un vendu de Steve Jobs, tu tripes dessus, tu le vois dans tes céréales. » Donc, non, le film, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un très grand film. Ben non, ça n'a pas passé à l'histoire, ce film-là. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, The Social Network, qui était très, très bon. Ouais, ouais, mais c'était pas le même budget, c'était pas le même... En tout cas. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça, je suis en train de checker. Hein. Un article... En fait, il y en a 7.1.1 est sorti, une petite mise à jour qui est sortie pour iOS 7 et il y a des gens qui ont fouillé dedans, comme ça arrive à chaque fois. Et il y aurait des traces dans iOS 7.1.1 pour Siri qui serait intégrée au Apple TV. Donc, il y a des petites choses qui ont changé aussi sur l'Apple TV durant les deux dernières semaines, des posts comme Historia ou History Channel. Qui ont été rajoutés. Ouais, surtout aux States, là. Oui, c'est ça. Ici, on les a. Si on n'en parle même pas, parce qu'on n'a jamais accès à ça. La journée où des réseaux de télé canadiens vont se joindre au Apple TV, ça va être le temps. Là. Je ne sais pas trop quoi faire, les sachets de billets de loterie ou quelque chose de même. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que Radio-Canada attend. Radio-Canada a un deal exclusif avec Samsung. Ah oui. Il y a tout.tv sur les télés Samsung. Il n'y a pas. Je sais pas. Pas grand monde qui doit écouter ça parce que leur nouvelle application, là, c'est pas bêta qui devrait écrire dans le coin. Hein. Je sais pas si vous avez essayé. Ah ouais, c'est pré-alpha. C'est pré-alpha. Là. Quand ils ont sorti ça, c'était horrible. Là. Le soir où ce que Radio-Canada l'avait même pas annoncé encore. Ok, c'est un soir, j'ai allumé j'ai été voir mes mises à jour d'application dans mon téléphone et tout.tv est arrivé comme une mise à jour. Genre, OK, on va faire. Ah, il y a un nouveau logo, on va checker. Je rouvre ça. Je vois en haut, en partant en haut à droite, bêta. Je me dis, what the fuck, ils se sont trompés de version en la publiant. Ils ont laissé la version bêta. Hey, je commence à jouer là-dedans. Il n'y a rien qui fonctionnait. Ça n'avait pas de bon sens. J'ai écrit à Radio-Canada le soir sur Twitter. D'abord, j'ai créé un compte. Et déjà, pour les gens qui étaient habitués de faire tout.tv, Unité 9, let's go, c'est déjà un pas qui est difficile à faire. Ouais. Ça aurait été le fun au moins que l'application iPhone nous donne le choix d'utiliser notre compte pour avoir accès à nos favoris ou à l'abonnement ou simplement d'avoir accès au contenu gratuit comme on avait accès avant avec l'ancienne application. Moi, je veux juste ouvrir l'application, aller écouter l'émission que j'ai manquée la veille sans nécessairement avoir la possibilité d'ajouter un documentaire dans mes favoris. C'est ça. Exactement. Puis l'autre chose, c'est que c'est très, très mal expliqué que tu n'as pas besoin de payer pour avoir le même contenu qu'avant, mais que si tu payes, tu vas avoir du contenu supplémentaire. Et ce n'est pas très bien expliqué non plus. C'est quoi ce contenu supplémentaire-là? Qu'est-ce que ça va te donner? Est-ce que tu vas avoir accès? Parce qu'on sait que tout.tv mettait des séries, les enlevait parce que le DVD s'en venait ou parce que bon leur entente avec le producteur était terminé. Est-ce que ceux qui payent vont avoir accès à tous ces shows-là qui sont enlevés pour les autres? Est-ce qu'on va avoir accès à des shows beaucoup plus vieux? C'est pas très bien expliqué. Donc, un petit coup de douze, en fait, c'est drôle parce que je voyais Nelly Brière sur les médias sociaux qui était la fille de médias sociaux de Radio-Can il n'y a encore pas très longtemps. Puis elle-même, en fait, était comme « ouais, c'est pas fort hein? ». Puis elle avait des choses à dire par rapport à ça. Là. Mais ils ont fait mal au brand qui était vraiment, vraiment fort de tout.tv. Puis je suis pas sûr qu'il n'y a pas des têtes qui vont tomber pour cette décision-là. Là, parce que c'est clair. C'est pas terrible. Ah non, c'est pas terrible. Puis ça. Tu sais, nous autres, on c'est pas pire, au moins, on est abonné à Rogers. Fait qu'on a accès au contenu gratuit, tu sais. Mais je sais pas c'est combien qu'ils chargent. C'est 8$ par mois. C'est un peu. C'est 2$ moins cher que ce que Vidéotron charge pour son service. C'est cher. Faut dire que ça, le fait que ça soit développé en partenariat avec TELUS puis Rogers, c'est comme une contre-attaque à Club à volonté que Vidéotron offre le via son service Helico. Mm-hmm. S'il n'y a pas autant de films, là, il y a plus de contenu de télé que de films sur le nouveau tout.tv, mais c'est vraiment un pied, comme un pas là, dans une attaque vers Vidéotron. Ils veulent essayer de prendre un peu le marché du club à volonté. J'ai de la misère, moi. Je veux dire, moi, de toute façon, premièrement, je n'utilisais pas tout.tv. Je l'utilisais de temps en temps quand je manquais la facture. T'sais. Puis, mais c'est assez. Non, je pense qu'ils vont ils vont perdre du monde. On sait que ça coûtait extrêmement cher, là, gérer tout ça, là, les serveurs qu'ils devaient avoir en arrière de ça. C'est parce que c'est nous autres qui payent pour ça. Hein. C'est comme c'est de l'argent public, tout.tv, ça nous appartient. Mais non, c'est ça. D'après moi, ils vont perdre beaucoup de monde juste avec. Même le site web, il est rendu pas beau, là. Il n'est pas très beau, puis il n'est pas très intuitif, le site web. Là. C'est rendu compliqué. Là. Ce que j'aime pas, c'est la façon de lister le contenu uniquement par catégorie. Donc, avant, on avait un listing de A à Z de tout le contenu mélangé, mais maintenant, on a un listing de A à Z des films, des documentaires, des émissions de variété, des émissions d'information, des séries. Il faut deviner notre émission, savoir dans quelle catégorie. Ouais. Ça, aller la chercher, là. By the way, la prochaine fois, Radio-Canada, appelez-nous. On va bêta-tester your shit. Puis vous n'allez pas sortir un produit aussi caca. Non, c'est ça. Mais bon. Qu'est-ce que j'avais vu? Attends, tous les sites web de streaming ne se valent pas. Et tous les câbles Thunderbolt ne se valent pas non plus. C'est ce qu'on apprenait sur Mac Bidouille cette semaine, qui a fait un test avec les câbles Thunderbolt. Ils en ont essayé quelques-uns, entre autres celui d'Apple, celui fourni avec les disques Lassie, un câble de OWC, un câble de StarTech. Et bizarrement, ils ont obtenu des résultats qui sont assez différents d'un câble à l'autre, un peu comme ce qu'on peut retrouver, par exemple, quand on fait des tests de clés USB. C'est pas vrai. Les clés USB se valent. Il y en a qui sont excessivement rapides et il y en a qui, malgré leur nom ou whatever, sont pas aussi bonnes. Donc, il semble que ce soit la même chose sur les câbles Thunderbolt, qui n'est pas un câble à proprement parler là, standard, c'est-à-dire qu'il y a de l'électronique à chaque bout du câble et il peut y avoir des différences dans ces puces-là qui vont au final avoir une incidence sur la qualité de transmission du signal. On sait aussi, en fait, chez Apple, quand on achète un disque dur en ce moment, puis j'ai un client qui s'est fait faire le coup, quand on achète un disque dur Thunderbolt 2, un Pegasus R6 par exemple, les nouveaux là, en noir, tu sais, comme Robocop, ils ont pris le gris. Ouais. Ça coûte combien cette petite boîte-là? Écoute, il y a des R4, R6 et R8, ça commence à 1 700 $, ça peut facilement jusqu'à 4 000, 5 000. Mais on parle de 32 TB sur 8 disques durs dans un boîtier quand même assez portable. Donc, il donne ses disques durs avec ça, au moins? Oui, les disques durs sont dedans, mais ce que je veux dire, c'est un appareil professionnel pour les gens qui ont besoin de beaucoup d'espace. Là. Donc, voilà, tu sais, avoir un disque de 18 TB comme ça, plus petit qu'une chaîne stéréo que tu peux transporter, c'est assez intéressant pour quelqu'un qui fait du montage vidéo sur la route, transporter tout son matériel avec lui. Donc, voilà. Et Apple, quand il est allé chercher le disque, ils ont fait une soumission et ils ont dit, écoute, si tu veux avoir le maximum de ton disque dur Thunderbolt 2, il faut que tu achètes un câble Thunderbolt 2. Et là, j'ai fait un câble Thunderbolt 2. Vraiment, oui, OK. Puis j'ai regardé un petit peu. C'est pas très clair, en fait, ce qui est dit là-dessus. Est-ce que le câble de Apple est Thunderbolt 2? Est-ce qu'il est rétro-compatible? Si on le sait, mais il va-tu passer le 20 gigabits seconde que le disque est capable de passer? Et Apple... Le câble Thunderbolt 2 qu'ils vendent, c'est un câble de 10 mètres qui vaut 350 $. Donc, c'est des câbles qui ont été annoncés au CES. C'est des câbles qui sont très, très longs. Puis, d'après moi, en fait, parce que ce câble-là, c'est une fibre optique qu'il y a dedans. Et si tu veux avoir cette longueur de câble-là, tu n'as pas le choix d'aller en fibre optique. Le copper, le cuivre qui est dans le normal, tu ne seras pas capable d'atteindre cette vitesse-là sur cette longueur-là. Donc, tu es obligé d'avoir un câble fibre optique. C'est normal, en quelque part, là, qu'ils le vendent plus cher. 350 $, c'est crinqué. Là, Je ne sais pas. Jean-François Coderre trouvait que 50 $ pour un câble HDMI, c'était insensé. 350 $ pour un câble. Fibre optique, là, imagine-toi, voyons donc, c'est fourré le monde. Puis, ça vaut pas ça. Est-ce que maintenant, tu veux mettre ton disque dur à 10 mètres? Donc, ça reste à voir. Puis, j'ai pas eu de réponse claire là-dessus. Par contre, j'ai accroché mon iPad, puis ça a fait double voix. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a vu les spécifications pour du Thunderbolt 3 qui ont été annoncées cette semaine. Oui. Donc, deux choses intéressantes sur le data technique. On se rendrait à 40 gigabits de transfert. Donc, on doublerait la bande passante du Thunderbolt 2. Et ce qui est intéressant, c'est que il y aurait de l'électricité jusqu'à 100 watts qui pourrait passer à travers ce câble-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait que les portables de Apple fonctionnent à 85 watts. Donc, la prochaine norme Thunderbolt serait en mesure de donner assez d'électricité pour charger l'ordinateur. Et on a déjà parlé il y a très longtemps à l'émission d'un brevet que Apple avait pris sur un adaptateur secteur, mais sur lequel ils avaient transporté tous les ports USB et tout ça pour que ça passe avec le Thunderbolt. Donc, il n'y avait qu'un seul câble qui rentrait dans l'ordinateur pour l'électricité. Et tout ce qu'on voulait brancher à l'ordinateur, l'adaptateur secteur devenait comme une espèce de dock, un peu comme ce que Belkin ou d'autres compagnies vendent en ce moment. Seagate. Donc, Seagate. Seagate fait un dock Thunderbolt? Je pense que oui. OK. Excellent. Parce que je vais regarder en même temps. Mais, il en fait un aussi, Sonnet Technologies, qui fait un bon... en fait, ils ont toutes des petites différences. Il y en a un qui offre quelque part de moins, il est moins cher. Il y en a un qui offre tout au complet. Puis si vous regardez en ligne, ces hubs-là sont à rabais assez souvent. Celui de Belkin était à 100 ou 150 $ cette semaine sur Internet. Vous contactez Jean-Michel, il va vous arranger ça pour les lignes. C'est notre Yann Solo. Pour revenir au Thunderbolt, là, ouais. Ils ne gagneront pas, je pense, à Apple contre le USB. Là. Parce que là, on est rendu à Thunderbolt. On va arriver à Thunderbolt 3. Là. Oui. J'ai même pas touché encore un disque dur Thunderbolt 1. Là. Ben, le USB, c'est pas mal plus répandu déjà que Thunderbolt. Répandu, c'est ça. Le Thunderbolt, c'est juste sur les ordinateurs haut de gamme à Apple. Sur les PC aussi, là. Des grosses cartes mères PC, tu peux avoir du Thunderbolt. C'est Intel qui fait les pilotes, là. Mm-hmm. Mais en passant, oui, c'est le Seagate GoFlex Desk Thunderbolt Adapter. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire... FireWire, le Thunderbolt, c'est un port qui s'adresse aux professionnels. Apple a enlevé de ses machines toute possibilité d'upgrade. Toi-même montré une photo cette semaine. Tu sais, combien de ports USB tu as besoin sur une machine pour brancher 36 périphériques, un en arrière de l'autre? Tu sais, la photo que t'as mis à partager, tu pourrais pas faire ça avec de l'USB. Il n'y a pas de daisy chain sur le USB, puis 36 ports USB sur une carte mère, là, autant dire que c'est ton boîtier au complet qui est du USB. Là, c'est... Oui, je dénigre pas la technologie, mais sauf que... ça serait le fun que ça soit pour le commun du mortel. Tu sais, les pauvres comme nous autres, là. Tu sais, USB parce que si tu faisais la job qui nécessite du Thunderbolt, tu ferais l'argent pour te payer le périphérique avec. Mm-hmm. C'est du périphérique. Puis du USB, c'est un câble, c'est un protocole de transfert, alors que le Thunderbolt, c'est du PCI externe. Tu peux brancher une carte de son en PCI Express et elle va être directement reconnue par l'ordinateur. Tu ne seras pas obligé d'installer un pilote ou quoi que ce soit. C'est comme si tu pluguais quelque chose dans l'ordinateur. Éventuellement, à 40 gigabits de transfert, là, il y a des cartes vidéo, il y a des boîtiers qui vont être capables de faire de la carte vidéo externe à ces vitesses-là. Et tu vas pouvoir en brancher puis te faire des machines à Bitcoin ou à whatever, des machines de calcul pour le domaine scientifique, puis trinquer ton ordinateur comme tu veux. Là. Donc, non, le Thunderbolt pour le commun des mortels, il s'appelle le USB 3. C'est correct comme ça. Puis, il y a du Thunderbolt pour ceux qui ont besoin de cette vitesse-là. Puis, il l'a toujours eu sur le Mac. À partir du moment où est-ce qu'Apple a sorti du FireWire, c'était pas sur tous les périphériques. Les gens se demandaient c'était quoi du FireWire, qu'est-ce que ça donnait de plus, pourquoi on devait brancher. Bien, ça a pris un bon bout avant qu'on puisse booter sur des disques durs USB, qu'on puisse brancher en target mode. Tu peux pas le faire avec un USB du target mode. Là. Tu peux le faire. FireWire ou Thunderbolt. Exactement, tu sais. Ça torche, là, transférer un target. Un migration assistant avec du Thunderbolt, là, ça torche solide. Mm-hmm. vraiment cool. Ça va vite. Mais c'est chaud. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, qu'est-ce que Apple ont fait? Puis là, on en a parlé tantôt, puis là, genre, je vais en parler de ça. C'était quoi donc? Oh fuck. Je me souviens plus. Ils ont annoncé leur chiffre pour le quart numéro 2. Ouais. Donc, il y a eu cet appel-là. Et contrairement à d'habitude, où les chiffres sont un peu au-dessus de ce qu'Apple avait prévu, mais en dessous, puis souvent ça arrive, c'est un peu en dessous de ce que Wall Street s'attendait. Là, les chiffres ont été au-dessus de ce que Wall Street s'attendait, au-dessus de ce qu'Apple avait annoncé, surtout à cause des ventes importantes de iPhone dans le marché asiatique. Qui sont en train de prendre tranquillement, pas vite. Apple a acquiescé aux demandes des actionnaires, entre autres, comment il s'appelle, le Carlican ou quelque chose comme ça. Il y a un nom à la marque Arcan, mais venant d'ailleurs. Carlican, je crois, c'est ça. C'est un investisseur qui a tendance à foutre la marde dans les compagnies chez qui il va, et lui, il fait du gros lobbying chez Apple pour qu'il y ait des rachats d'actions plus importants. Donc, il a acheté beaucoup d'actions de Apple. Mm-hmm. Là, il s'attend à se faire racheter ses actions beaucoup plus chères, ou en tout cas, tu sais, se faire donner un bon dividende sur ses actions. Donc, Apple a grandi encore. Je pense qu'ils sont passés à 100 milliards pour le buyback de leur action, de 60 à 100 milliards. Et ils vont diluer les actions encore une fois. Ils l'avaient fait il y a quelques années. Ils avaient séparé l'action en deux. Là, ils vont la séparer en sept. Donc, si vous avez une action, de même, quand ils vont le faire, vous allez vous retrouver avec sept actions qui ont les mêmes droits de vote et tout ça, mais qui valent un septième de la valeur de l'action. Et c'est pour aider, en fait, les plus petits investisseurs à pouvoir acheter, parce que là, à 600, 700 piastres, 500, non? C'est presque 600, là. Ça, c'était difficile d'acheter, de rentrer et de dire, OK, je vais acheter un paquet d'actions à Apple. Oui, parce que tu peux pas acheter ça nécessairement une à la fois, là, non plus, là, c'est ça, là. Faut que tu achètes des paquets, je ne sais pas, je peux mettre une trentaine. Ou... Mm. Voilà. By the way, Alexis, BattleNet est encore down. Que... Oui. J'ai mon iMessage qui blink depuis tout à l'heure, puis on me le dit. Je vais écouter ma série fétiche depuis quelques semaines. J'écoute Person of Interest. J'en ai parlé au Mystérieux Étonnant la semaine passée. Ah, tu as été au Mystérieux. Oui, j'ai été au Mystérieux. Benoît sait que je suis une pute d'attention. Donc, du jour au lendemain, le dimanche soir, il m'appelle, il dit « Écoute, j'ai personne demain, ça te tente-tu de venir? Je t'envoie la bande dessinée. » Puis, il m'a envoyé la bande dessinée, j'ai lu ça. Et puis, je me suis retrouvé là hier. C'était cool, c'était la première fois que j'animais, que je co-animais avec Jake Dion. Donc, on s'est bien amusé, c'était cool. Ben... Ouais. On a-tu d'autres choses? Est-ce qu'on avait une chronique de Cacao Cast? Oui, on avait une chronique de Cacao Cast. On vous passe ça tout de suite. Mac Québec se poursuit dans un moment. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @macquebec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Le podcast Mac Québec se poursuit dans un moment. On vous laisse avec la chronique de Cacao Cast. Pendant ce temps-là, si vous êtes sur Twitter avec le hashtag PodMQ, on va pouvoir discuter un peu avec vous. On vous revient dans à peu près 8 minutes. Bonjour, je suis Philippe Guittard. Et moi, Philippe Casgrain. Nous sommes les Fred et Arthur du podcast Cacao Cast. Nous parlons des nouvelles concernant les développeurs iOS et macOS. Aujourd'hui, nous allons vous parler de trois sujets. On va commencer par le premier. C'est un outil qui s'appelle Emo Generator, qui est utilisé par les développeurs depuis quelques années déjà pour les aider dans le développement d'applications macOS et iOS qui utilisent la plateforme Core Data, donc Core Data qui permet de stocker les informations dans leur application. Emoji Generator a fait un petit peu les nouvelles à leurs dépens. Il s'est passé quelque chose vis-à-vis d'Apple qui les met un petit peu en mauvaise position. Et Philippe, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Alors, Emoji Generator, quand on l'utilise, il crée nos propres classes. C'est super pratique. Ça nous facilite beaucoup le développement. Et ça nous rajoute quelques méthodes sur le framework Core Data qui permettent de faciliter la création d'objets. On n'a pas besoin de faire toute une longue séquence d'opérations pour créer des objets. C'est très simple, une ligne de code et voilà, l'objet est créé. Le problème, c'est que Apple aimait tellement que Emoji Generator qu'ils ont décidé de l'incorporer à une de leurs applications, je crois que c'est iPhoto. Et jusque-là, ça va bien parce que les applications sont séparées les unes des autres. Mais iPhoto a un certain nombre de frameworks qui sont des frameworks système et qui sont donc accessibles à toutes les applications, qui font partie de toutes les applications. Et les méthodes de Emoji Generator se sont retrouvées dans ce framework système. C'est un framework qui est évidemment privé parce qu'il existe, utilisé par iPhoto, mais il fait partie du système, mais il y a juste iPhoto qui peut s'en servir. C'est une application spéciale d'Apple. Votre application ne peut pas s'en servir. Et si vous utilisez Emoji Generator, vous avez ces méthodes dans votre application, vous soumettez votre application à Apple et Apple vous dit « Eh, vous ne pouvez pas, vous utilisez une méthode privée de notre système, un API privé. » Alors, c'est ça le problème qui est causé. On a mis ça dans les nouvelles parce qu'on espère que ce problème va être résolu bientôt parce que Emoji Generator est utilisé par un grand nombre d'applications, y compris iPhoto apparemment. On veut éviter de devoir rejeter notre application ou devoir modifier notre application parce que Apple a décidé que cette petite interface-là était maintenant privée. Voilà, donc c'est un peu gênant pour eux, c'est une mauvaise nouvelle. On va voir comment, de quelle façon ça va être résolu. Donc si vous voulez suivre ça de plus près, vous pouvez aller sur le blog de Jonathan Rentsch. Qui est l'auteur de Emoji Generator. Exactement, c'est rentzsch.tumblr.com et vous verrez toute une description plus détaillée de ce qui se passe et vous pourrez voir de quoi il s'agit et comment ça évolue tout ça. On va parler maintenant d'un outil pour Mavericks qui s'appelle Beacon OS 10. Donc depuis l'introduction de iOS 7 l'année dernière, les fameux iBeacon ont été annoncés par Apple. iBeacon, ce sont ces balises logicielles basées sur Bluetooth 4 Low Energy. Donc c'est le dernier standard Bluetooth qui permet donc à ces balises d'émettre un signal et de dire à toute personne qui s'approche avec des iPhones ou des iPads de dire voilà, je suis là, j'existe, vous rapprochez de moi et puis je peux vous donner des informations ou votre appareil peut réagir en fonction de la balise. Oui, évidemment, tu as dit balise logicielle, mais c'est une balise en fait hardware, là. C'est une balise physique. Oui, c'est une balise qui s'appuie sur Bluetooth encore. Donc, oui. Mais donc il y a une partie logicielle et bien sûr une partie réseau Bluetooth aussi. Donc jusque-là, ça ne fonctionnait que sur iOS, mais il y a un développeur qui a eu la bonne idée d'adapter la technologie à OS X. Donc on peut créer ses propres balises sur Mavericks OS X. Donc ça peut être intéressant pour les développeurs pour faire des tests et puis aussi pour des solutions qui sont basées sur des balises. Vous pouvez avoir dans votre point de vente dans un magasin, votre Mac qui a ce Beacon OS X qui fonctionne un peu en tâche de fond et ça permet donc à vos clients qui rentrent dans le magasin de pouvoir détecter votre balise et puis je sais pas, peut-être qu'ils auront l'application de votre magasin et puis ça leur dira qu'ils ont une remise de 10% ou je sais pas quoi quand ils rentrent dans la boutique. Donc c'est intéressant, c'est pas officiel, hein, donc c'est quelque chose qui a été fait par un développeur, c'est pas la version officielle d'Apple, mais ça utilise la même technologie, c'est basé sur les mêmes standards, donc ça fonctionne de la même façon. Et donc ça peut donner des idées à des développeurs. Oui, utiliser. À la différence d'une petite balise que vous allez acheter qui va coûter, disons, une trentaine de dollars et qui va avoir une durée de vie d'environ 6 mois parce qu'il y a une pile à l'intérieur, mais celle-là, vous pouvez la placer un peu n'importe où. Le Mac... coûte un peu plus que 25 $ quand même là, mais il n'y a pas besoin d'avoir changé sa pile et puis on peut contrôler beaucoup plus de choses. C'est très pratique pour le développement et comme tu dis, dans un cas où vous avez de toute façon un Mac, disons, dans votre commerce ou des choses comme ça, ça devient intéressant de pouvoir faire tourner cette information-là en tâche de fond. Exactement. Donc, vous pouvez trouver le code sur github.com/mttrb/beaconosx. mttrb/beaconos10. Et on va finir par une solution en logiciel ouvert qui permet de faire du back-end as a service. Donc, les fameux AAS sont très à la mode ces temps-ci. On parle de beaucoup de choses as a service. Donc, quelque chose qui est dans le... Comment tu dis ça? L'info nuagique. L'info nuagique. Je sais pas, j'imagine que c'est la traduction officielle du cloud, d'Internet. Donc, c'est une solution ouverte, gratuite. Vous pouvez la télécharger, l'installer vous-même sur votre propre serveur qui permet donc d'offrir tout un tas de services à votre application, hein, que ce soit application iOS, Android ou même une application web. Si vous avez besoin d'un côté info nuagique, donc côté internet pour stocker vos données, stocker vos documents, gérer... Partager des images de n'importe quoi qui est social, etc. Gérer vos utilisateurs, les accès utilisateurs, etc. Vous devez avoir toujours comme un serveur quelque part qui s'occupe de ça. Vos notifications push aussi. Aussi. Donc, il existe d'autres solutions. Hein. Il y a Google qui offre Google App Engine. Il y a Facebook qui a racheté... comment il s'appelle? Parse.io. Parse. Mais ils existent encore. Hein. Parse.io, je crois que c'est Facebook qui les a rachetés, mais ils existent encore. Donc, il y a des solutions qui existent, mais il faut faire un peu confiance aux fournisseurs. Les données sont chez eux. C'est eux qui les gèrent. Donc, je ne sais pas si vous êtes un petit peu inquiet ces temps-ci par ce qui se passe et que vous voulez gérer vous-même vos données, vos services, avoir le contrôle total, ce genre de solution paraît intéressante. C'est quelque chose à regarder de plus près. Oui, et c'est open source, donc vous l'installez vous-même sur votre propre serveur et puis voilà, vous partez. Voilà, donc c'est basé sur Java. Donc, vous pouvez, si vous avez un serveur quelque part et vous pouvez avoir une machine virtuelle Java, Vous pouvez finir la capsule. Vous n'avez pas besoin de connaître Java. Vous avez juste besoin de taper une ligne de commande et ça s'occupe de tout. C'est bien fait, c'est facile à installer. Ça s'appelle BAASBOX, bassbox.com. Donc, vous trouvez ça sur leur site. Voilà, ça conclut notre capsule aujourd'hui. On rend maintenant la main à nos amis de Mac Québec. Le podcast Mac Québec se poursuit dans un moment. Ça se poursuit là. On voudrait juste nous excuser de la qualité sonore ce soir. Hein. Ça laguait pendant que la chronique de Cacao Cast. Quand je vais le mettre en ligne, je vais remettre le fichier et je vais doit importer le fichier qu'on a fait jouer, puis ça va jouer numéro 1. Fait que on s'excuse. Dans le podcast Mac Québec est une présentation de Electronic Box. Voilà. Ah, Electronic, ben c'est Vidéotron, c'est comme vous êtes correct. Ouais. Apple a deux compagnies, une qui s'appelle Yosemite Research LLC et l'autre qui s'appelle Coast Research LLC. Et ce sont habituellement les compagnies qu'elles utilisent pour remplir des trademarks, comment ça s'appelle? J'oublie toujours le nom en français, là, mais des marques, finalement. Et on a eu cette semaine, il y a plusieurs noms qui ont été appliqués par ces deux compagnies-là, entre autres Yosemite, Redwood, Mammoth, California, Big Sur et Pacific. Et si vous avez déjà googlé les mots que je viens de dire, vous êtes rendu compte que ce sont tous des endroits mythiques en Californie. Donc, ça pourrait donner une idée des prochains noms de systèmes d'exploitation que Apple pourrait utiliser. C'est intéressant de savoir qu'ils préparent à l'avance le fait qu'ils vont avoir des noms pour un système d'exploitation pour les ordinateurs, non? T'avais-tu dit Diablo aussi? J'avais vu Diablo passer aussi, je pense. Non. Ouais, Diablo, je joue à ça, mais c'est pas... Plus bas, oui, Landmark, attends une seconde. At several other firm based at Corporation True Center, also made Trinidadian fillings on Diablo Miramar, Dream le cap. Hey, ça serait cool quand même. 10.13 Diablo. Diablo. Diablo. Je ne suis pas sûr, là, mais en tout cas. Miramar, c'est l'endroit, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'il y a l'académie militaire pour les Top Gun. Ah. OK. Je ne suis pas sûr, là, mais il me semble que c'est ça. Bref. Je peux me tromper. Avez-vous vu maintenant, puisque je suis en train de checker dans mon feed Twitter, Microsoft ont mis à jour Office pour iPad aujourd'hui. Oui, on peut. Et maintenant, on peut imprimer. Oh, wow. Parce que la photo, parce qu'on ne pouvait pas avant. Non, fait que la photo que je vois sur mon Twitter présentement, c'est un iPad sur une photocopieuse qui est en train de photocopier l'iPad avec le document Word inscrit dessus, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment drôle, là, tu sais, c'est comme, what the fuck, comment ça vous avez pas sorti la version printable de Word là, ou Excel, là, mais plus Word, là. Maintenant, on peut imprimer sur Office pour... Mais c'est une bonne nouvelle, mais c'est vraiment une fonctionnalité qui aurait dû être là depuis le jour 1. Oui, oui, c'est clair, là. C'est comme le copier-coller qui est apparu juste dans iOS 4, je pense. Ouais. 4, n'a pas de problème. 3, OK. Fait que c'est ça. Fait que j'étais une petite vite de même. Qu'est-ce que j'avais mis? Des problèmes de batterie. On en a parlé souvent avec iOS 7 parce que cette semaine, en fait, avec la mise à jour à 7.1.1, une des choses qui aurait été améliorée, c'est la qualité de la batterie. C'est une différence? C'est so-so, j'en ai parlé, tu sais, je l'ai mis sur Twitter puis Facebook aussi. Avant, ma batterie se vidait à 7-8%. 7-8%, mon téléphone se fermait. Puis là, depuis 7.1.1, genre deux fois en ligne, parce que moi, mes batteries, je les laisse vider au complet, là. Depuis 7.1.1, les deux dernières fois, mon téléphone a fini à 1%. Mais là, aujourd'hui, il a recommencé à 7%. 7-8%, mon téléphone se ferme. Là. Et moi, j'ai fait un espèce de sondage pas du tout scientifique sur Twitter. Les gens ne semblaient pas voir de différence. Il y a des gens qui disaient que c'est pire. Maintenant, il faut comprendre qu'en mettant à jour, il y a des fonctionnalités que les gens n'ont peut-être pas mis à off, comme le parallaxe, donc l'espèce d'animation. Il y a des applications aussi qu'on ne se rend pas compte, mais à force de se faire demander, est-ce qu'on peut vous envoyer des push notifications, est-ce qu'on peut checker votre localisation, mm-hmm. est-ce qu'on peut mettre le background update, là, tu sais, comme... À la Facebook, là. C'est ça, que ton fils... Oui, Facebook est une des applications qui prend incroyablement de jus au téléphone. Et si ça vous dérange pas trop d'attendre quelques secondes pour que votre feed se mette à jour quand vous ouvrez Facebook, si vous allez désactiver cette fonctionnalité-là, ça va économiser beaucoup de batterie. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre de leurs vieux appareils 4S qui allaient pas bien, mais probablement qu'ils n'ont jamais fait l'exercice d'aller vérifier si c'était pertinent là, de diminuer ces trucs-là, de switcher une couple de trucs à off. Moi, ça m'arrive très souvent d'aller dans ces settings-là, puis de faire « Ah non, finalement, ça, j'en ai pas de besoin, tel jeu, qu'est-ce que ça fait là? » autant au niveau des notifications que du background update. Donc, hey, c'est important. C'est juste moi... Oui, continue, vas-y, finis. Garde ton idée. Une des choses vraiment intéressantes que j'ai entendues, je vous parlais du podcast Control Command Power au début du truc. Hey, je vais l'essayer direct, là. Ça a beaucoup, beaucoup de sens. Ce que le gars disait, c'est que Apple laisse du code dans les versions, même les versions release 7.0, pour continuer à loguer certaines choses du OS, puis ramasser de l'information comme ça. Et c'est plus tard que ce code-là est complètement enlevé, ce qui fait qu'on a toujours, toujours le même behavior. On se demande toujours comment ça se fait que quand ils sortent un truc, la batterie, à fuck encore, à se draine encore plus vite, ben c'est ce code-là qui, fort probablement, sert à Apple à améliorer le produit, mais leur sert à savoir où sont les leaks, quels sont les problèmes rencontrés par les applications et tout ça sur avec les nouvelles fonctionnalités. Et plus tard, ils sont capables d'optimiser vraiment ce qui cause problème. Donc, ça aurait beaucoup, beaucoup de sens que Apple, en bêta, n'est pas capable d'aller voir tous les cas de figure, toutes les applications, tout ça, et que ultimement, quand ils sortent le produit, il y a quand même du code qui gruge un peu plus de ressources au système, log certains trucs et les envoie à Apple si vous participez là, comment ça s'appelle, là, à l'amélioration des services. Là. Donc, si vous n'avez pas décoché ça dans le téléphone, il est fort possible que ça aussi puisse prendre un peu de batterie. Mon idée que j'ai gardée, c'est-tu moins où, mettons, quand tu installes une nouvelle application et qu'il te demande « Tu veux-tu autoriser les push notifications à arriver ou pas? » Même quand tu fais « pas », il y en a qui restent quand même dans le centre de notification? Pas supposé. Si tu vois ce truc-là, il faut t'avise Apple parce que c'est... Ben, est-ce qu'une application peut créer des notifications dans le centre de notification localement ou bien ça passe nécessairement par les serveurs d'Apple? Je sais pas, mais parce que moi, ça reste quand même dans mon centre de notification. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, si je vois dans l'onglet général les centres de notification, l'application est là. Puis j'avais dit non. L'application est là, mais est-ce qu'elle a son petit crochet à on? Oui, il est vert, oui. Pas supposé. Non, c'est vrai, c'est bizarre. Je vais checker ça. Je veux, de toute façon. C'est ça. Ah oui, en passant, pour les bugs, là, ceux qui sont inscrits ceux qui sont inscrits pour avoir les versions bêta de 10.9.3, Apple ont mis, quand vous allez l'installer, la première fois, vous allez voir dans votre doc une nouvelle application que... Voyons, moi je passe ça un peu. C'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Vous allez voir une nouvelle application apparaître dans votre doc. C'est là, je suis en train de le chercher. Là. C'est pour les développeurs qui peuvent écrire à Apple pour des bugs et des choses de même. C'est dans système, c'est dans librairie, c'est dans core services. C'est boutonnier rose, là, je sais pas trop. Là. C'est le feedback assistant. OK. Fait que quand vous allez l'installer, vous allez avoir une application Groove là, avec la version, comme là, moi, c'est Apple Software Sending, c'est 10.9.3, build 13D55, la version qui est sortie aujourd'hui. Fait que vous signez avec votre Apple ID, et après, vous allez arriver dans le logiciel, il prend toutes les informations de ton ordinateur, il fait un diagnostic de l'ordinateur, il crée un fichier. Ensuite, tu choisis la catégorie de ton problème que tu as. Il y a tout, là. Tu as tous les logiciels Apple, tout ce que, sinon, s'il n'y en a pas, something else, not on the list. Et tu marques ton problème et tu fais envoyer à Apple. Quand tu fais ça, ça envoie un genre de courriel là, avec ton problème, des affaires-là, et ça envoie ton diagnostic de l'ordinateur. C'est un peu long, le diagnostic de l'ordinateur, parce qu'il fait vraiment au complet. Là, il prend toute ton information de qu'est-ce que tu as dans ton tes préférences, ton time machine, tu sais, tout au complet. Là. Ensuite, on a vu aussi que sur MacBidouille, que j'ai vu, attendez, c'est que cette... je vais aller rechercher mon... C'est qu'avec le code qu'Apple fait installer aux personnes qui veulent utiliser la version bêta, et on le dit plus tôt, c'est une version bêta, c'est que c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Si vous savez pas ce que c'est... Jean-François. Comment? Version quoi, Jean-François? Bêta. C'est qu'elle n'est pas complétée. Elle n'est pas complétée. bugs dedans. Oui, il y a des bugs dedans. Fait que ils ont pris le fichier. C'est quel fichier qu'ils ont pris donc? C'est ah oui, le fichier PhotoStream diagnostic. Et ça envoie beaucoup, mais beaucoup d'informations à Apple de qu'est-ce que vous faites avec votre PhotoStream. On a tout, ben là, c'est du terminal, on s'entend, là, les commandes, mais ça envoie beaucoup. Ça dit à Apple qu'est-ce que vous faites avec votre PhotoStream. Là, tu sais, là, vos photos sont où, puis qu'est-ce que vous avez importé, ce que vous avez enlevé dessus. Ça, c'est juste pour les PhotoStream qui ont pris. Alors, imaginez l'information que vous permettez à Apple de prendre de votre ordinateur pour améliorer le système. Là. C'est quand même beaucoup. Comme je dis, c'est une version bêta. Et moi et Alexis, on les a. Là, on les essaye toutes. Pas de backup. Tout nu. Ah ouais, toi, t'as pas de backup. Là. Moi, mon Time Machine, il fonctionne aux 2 heures. Là. Fait que merci à Time Machine Editor. Fait que très bon petit logiciel. Fait que ça vous. Il y a moyen d'aller setter ça. On parlait des lignes de commande, les cours de l'INIS pour le terminal. Mm-hmm. Il y a moyen de setter ça avec TM Util, qui est un outil dans les lignes de commande et à qui tu peux aller dire que tu veux que les backups se fassent pas se fassent autant de temps. Donc, le logiciel, s'il n'est pas gratuit, il y a moyen de le faire manuellement si vous avez besoin d'un logiciel qui permet de tweaker un petit peu ce backup-là. Oui, je suis en train de checker. C'est quoi la ligne de commande? Set destination, compare, restore, delete snapshot, disable local, startup backup, rotation, moi je ne sais pas c'est laquelle dans ça, là, dans le TM utile, dans le Time Machine Utility. Une chose aussi, si vous trouvez que votre ordinateur ralentit de temps en temps quand vous n'êtes pas à la maison, c'est que ben, il ralentit, on s'entend, là. C'est juste que parce que c'est le snapshot en local de votre backup qui est en train de se faire. Voilà. Le monde ne savent pas ça. C'est comme quand vous n'êtes pas à la maison et que votre time machine est activé, lui, à chaque fois qu'il a besoin de faire son backup, il ne peut pas le faire parce qu'il ne retrouve pas votre time machine ou votre disque dur externe pour votre backup. Fait que là, lui, ce qu'il fait, il crée un backup local sur votre disque et ça utilise quand même un pas pire espace sur votre disque dur. Là. Fait que quand vous retournez à la maison, hein? Il y a de l'espace. Oui, c'est ça. Quand vous retournez à la maison, ce backup-là, il est pris et remis sur... Votre time machine. Fait qu'il faut juste savoir. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas ce que le système fait en arrière-plan tout le temps. T'sais, c'est comme sur Windows, là, on ne se le cachera pas. Là. C'est tous les ordinateurs, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas ce qu'ils font en arrière-plan. T'sais. On ne travaille pas là-dedans tout le temps. Là, on ne connaît pas les secrets du système. Il faudrait passer nos journées devant le voyons. Je fais ça, moi, passer mes journées devant un ordinateur Mac. Oui, non, mais tu sais, pas le terminal, là, mais là, ce qu'on voit te faire, là, ce qui se passe au complet sur l'ordinateur, là, c'est quoi, donc? Activity Monitor. Merci. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? J'avais vu. Non, j'ai rien d'autre. Ah oui, on va parler d'une petite nouvelle. Apple ont retiré aux universités et aux boutiques le droit. C'est excellent, effectivement, j'allais l'oublier. Notre commanditaire, Coop UQAM, à la fin de son contrat, et on l'a mis dans la presse en fin de semaine, Zone, qui est la Coop à Québec, de l'université là-bas qui vend beaucoup de Apple et qui en vendait en fait depuis des années comme Coapucam. Apple a décidé que les produits éducationnels allaient être vendus uniquement dans son magasin. Donc, il faut faire la demande au Apple Store pour avoir le prix éducationnel. J'ai entendu à certains endroits que c'était même uniquement sur le site web de Apple, donc uniquement sur le Apple Store. Oui. Je veux juste rajouter, cette chose-là de vendre les produits là, éducationnels dans les magasins, dans les revendeurs, c'est vraiment pas mal juste au Canada puis dans les pays où il n'y a pas d'Apple Store qu'on voit ça. On se souvient, les premiers Apple Stores sont ouverts au Canada dans les alentours de 2007-2008 ici. Mais aux États-Unis, ça faisait quand même assez longtemps qu'il y avait des Apple Stores. Donc, le système n'est pas pareil aux États-Unis qu'au Canada. L'Apple a instauré la même politique partout à travers le monde, mais c'est vraiment juste au Canada puis dans les pays où il y a moins d'Apple Store qu'on voit ce grand nombre de revendeurs-là comme ici. Aux États-Unis, les étudiants sont habitués de commander leur Mac directement directement chez Apple, soit par téléphone ou par Internet, parce que ça fait beaucoup plus longtemps justement qu'Apple a ces modes de vente-là aux États-Unis. Ici, au Canada, avant l'arrivée d'Apple Store, il y avait beaucoup de revendeurs. Il y en a beaucoup qui ont fait faillite parce qu'Apple a priorisé là, ses propres magasins. Mais moi, je vois... les temps ont changé au Canada. Puis est-ce que les revendeurs comme ça avaient autant leur place là, qu'avant? C'est ça qu'il faut se demander. Bien, en fait, il y a maintenant là, des produits éducationnels, il y a deux endroits où on peut aller en acheter. Soit au Apple Store... où les Best Buy et Future Shop de ce monde qui vendent du Apple ont maintenant le droit de vendre des produits éducationnels. Par contre, eux n'ont pas à tenir du stock éducationnel. Pour Apple, c'était deux modes de distribution différents. Les produits éducationnels étaient envoyés dans les magasins vendus à des moments précis. Il y avait des promotions éducationnelles qui étaient faites pour les étudiants. Et faut comprendre que pour un étudiant, acheter un ordinateur, c'est probablement le plus gros achat qu'il va faire dans sa vie. Et pour avoir travaillé 10 ans à la coop, on n'avait pas de prérogative de vendre un paquet de cochonneries à côté. On n'avait pas de prérogative de vendre à proprement parler. Là. C'était pas comme OK, tu vas vendre tant d'éléments, tu vas être l'employé du mois ou quoi que ce soit. On avait plus à expliquer. Et dans ce sens-là, moi, ça rejoignait plus ma philosophie de accompagner la personne qui achetait le produit, l'aider à comprendre comment elle peut utiliser son ordinateur mieux, comment elle peut, tu sais, souvent ils vont payer 2 000 $ pour un ordinateur, puis ils vont l'utiliser pour 200 $. Et à ce sens-là, d'après moi, les magasins éducationnels, les magasins, que ce soit Coapucam ou même, bon, Inso, c'était plus une compagnie, les micro-boutiques, c'était plus une compagnie, mais je pense qu'ils avaient aussi cette espèce de philosophie-là d'aider les étudiants à faire un choix éclairé. Et j'ai l'impression que les étudiants vont être peut-être un peu moins servis. Si ce n'est pas au Apple Store, ça va être dans les magasins Future Shop et Best Buy, où on se fout honnêtement un peu du client et qu'on je ne peux pas dire que j'ai vu beaucoup de gens avoir la passion de Apple dans ces magasins-là. C'est sûr, mais d'abord si on regarde ça d'une autre manière, si on regarde ça comme une stratégie comme de réduction de coûts pour Apple, oui. Apple distribue déjà ses ordinateurs dans ses propres magasins, puis en ayant uniquement comme revendeur autorisé éducationnel les magasins Best Buy et Future Shop, qui, eux, ont leur propre système de distribution. Apple envoie des ordinateurs à une place, à l'entrepôt central de Future Shop Best Buy. C'est la même chose au Canada. Puis ça va être... achète leur ordinateur d'un distributeur, Apple n'envoie pas. Oui, c'est ça. Les produits éducationnels s'en vont à un endroit. Là. Best Buy, Future Shop achète de son distributeur, puis Apple a juste une transaction à faire, c'est avec le distributeur, tandis que les ordinateurs que les boutiques éducationnelles achetaient, c'était plus compliqué niveau distribution parce que Apple avait une relation directe avec chaque boutique, tandis que là, Apple a une relation avec Future Shop Best Buy qui gère le 200 magasins à l'échelle du Canada. Là. Tandis que c'est pas 200 relations comme avant. Là. Oui. Je peux comprendre à ce niveau-là, mais moi, je reste quand même sur ma position que les étudiants vont être moins bien servis. Pour Apple Store, je suis pas si sûr que ça. Ils vont avoir un très bon service. Le problème va être qu'ils vont être dans le carcan de Apple. Donc, il y aura pas. Apple va pas faire rentrer plus de matériel en considérant la clientèle éducationnelle. Ils vont faire rentrer les mêmes produits, puis c'est ce qu'ils vont te proposer, les mêmes produits qui sont sélectionnés pour tous les Apple Store. Alors que il y avait quand même, tu sais, il n'y a pas d'écran Asus à 200$ pour un 24 pouces qui va rentrer chez les Apple Store pour que l'étudiant puisse s'acheter un écran plus grand à côté puis qu'il sache qu'il peut le connecter sur son ordinateur. Ils vont vendre l'écran Apple à 999$. Mm-hmm. Donc, là, t'es encarcané dans le modèle Apple. Tu peux pas en sortir. Et je sais pas si les Apple Store, je sais qu'ils le font de temps en temps. Certains vendeurs vont dire, nous, on le fait pas, mais si vous allez à tel endroit, vous allez pouvoir avoir du service. Sauf que cette expertise-là qui s'est créée à Coop UQAM et à d'autres magasins, au Mac Urbain, à d'autres endroits comme ça, des petits revendeurs, cette expertise-là de sortir du jardin d'Apple et de pouvoir offrir un produit qui est compatible, elle va se perdre parce que s'ils ne peuvent plus vendre de produits Apple, ils ne feront plus rentrer dans leur magasin des gens qui achètent du Apple. Donc, ça ne vaudra plus la peine de tenir des produits. Ce qu'ils ne peuvent plus faire, c'est vendre des produits à Apple avec le rabais éducationnel, mais rien ne les empêche d'offrir du support à Apple s'ils ont les accréditations nécessaires, puis rien ne les empêche de vendre des logiciels puis des accessoires pas nécessairement fabriqués par Apple. Oui, quelque chose les empêche. Si tu ne vends pas l'ordinateur, tu n'y es pas le produit, ça serait ridicule. Il n'y a personne qui fait ça. Non, moi je peux décider de m'ouvrir un magasin d'accessoires à Apple demain matin. Là, c'est un risque que je veux prendre. S'ils ont déjà une clientèle pour acheter des ordres, si la clientèle sait qu'ils font du service à Apple, qu'ils tiennent des accessoires à Apple, ils vont probablement avoir une fréquentation. Jean-Michel, c'est les étrangler, là. On s'entend que ça les aide pas. Quand tu vends un produit Apple, tu fais 5 % de marge dessus. Là, les Best Buy et Future Shop, s'ils veulent vendre au prix éducationnel, ils payent le prix normal que le distributeur vend. Ils vont recevoir l'ordinateur et ils décident eux-mêmes s'ils décident de vendre le produit à prix éducationnel, ils le prennent sur leur propre marge dans le but de vendre des produits tiers. Donc, Apple leur permet même pas de faire du bénéfice sur la vente de l'ordinateur. Ils vont être obligés de vendre du produit tiers parti. Donc, si tu veux faire de l'argent en vendant du Mac, faut que tu pousses les cossins qui vont à côté, la housse, la sacoche, le ci, le ça. Faut que tu pousses ça parce que sinon, ça te sert à rien de vendre et de faire de l'immobilisation de capital à acheter des produits Apple que tu as dans ta carte. Si la marge de profit est juste de 5 % comme tu dis, c'était à l'avantage des magasins éducationnels de vendre des accessoires d'abord. Donc, parce que avec 5 % de profit, il faut que tu payes ton local, tes employés. Tu n'as pas le choix d'aller vendre d'autres choses. Ce n'est pas en conseillant juste. Sur ton site web, le monde savent que tu vends du Apple. Sur ton site web ou s'ils vont dans ton magasin et que tu n'as pas de Apple en démonstration, ils ne vont pas avoir le réflexe de te demander un produit Apple. Puis toi, tranquillement, ton expertise que tu avais envers les produits Apple parce que tu les vendais, elle s'effrite. Parce que tu vas être obligé tout le temps de te demander est-ce que ce produit-là fonctionne avec Apple? Je vais aller voir sur le site web. Là, il y a quand même une expertise qui s'était faite à ce niveau-là. Puis, il y a une espèce de standing qui vient avec le fait que tu vends des produits à Apple. Il y a même des magasins, entre autres à la Coop, il y avait quand même un espace qui était réservé, qui te voulait un peu à l'esprit d'Apple, là, donc, tu sais, blanc avec des belles tablettes, tout ça. Puis, beaucoup des produits qui étaient tenus en boutique étaient pour ça. Je comprends que le move de Apple, c'est un move de business, c'est pour couper dans les coûts, mais je pense que c'est d'enlever un service aux étudiants. Je pense qu'ils vont faire des achats qui sont moins avisés tant qu'à moi, puis qu'ils vont peut-être avoir à payer un peu plus cher, soit parce qu'ils se retrouvent dans un magasin où le but est de faire un profit non d'aider les étudiants. Je comprends tout le move business, mais je ne suis pas sûr que c'est ce qu'Apple aurait dû faire. T'sais, ils pouvaient aller chercher peut-être plus dans les entreprises, des trucs comme ça, où est-ce qu'ils ne sont pas encore nécessairement présents et où est-ce qu'ils ne sont pas en mesure de livrer des marchandises pour quelqu'un qui veut établir un parc un parc informatique au Canada de 400 machines, tu peux pas rentrer au Apple Store et faire « Salut, j'ai besoin de 400 machines. » Ça se fait pas. Ils n'ont pas la structure pour ça. Donc, il faut aller plus vers ça, selon moi. Puis, déjà, quand le Apple Store est arrivé à Montréal, les magasins éducationnels ont déjà pris une claque. C'est clair. Ils attendaient que leur profit allait descendre, tout ça. Puis là, mais vous en vendez plus autant qu'avant. Ben oui, tu as un Apple Store à côté de chez nous, à 400 adresses. Tu penses que le monde, ils vont faire quoi? L'autre chose, c'est au niveau même dans des grandes surfaces, au niveau de la disponibilité du produit. Souvent, ils vont l'avoir en démonstration, mais quand tu vas y aller, ils vont te dire « je ne l'ai pas, faut que je le commande ». Et « je ne l'ai pas, faut que je le commande », c'est parce qu'ils ne veulent pas garder de l'inventaire. Et la raison, c'est que chez les distributeurs avec lesquels ils font affaire, ils n'ont pas de droit de retour pour les produits. Donc, une fois que ton produit a été changé, à Apple, on le sait, là, hier, on ne savait pas qu'il y avait des nouveaux MacBook. Aujourd'hui, on l'a su. Mais ceux qui ont encore des boîtes de MacBook et qui les ont achetées par un distributeur de Apple, ils n'ont pas de descente de prix sur leurs produits. Ils sont obligés de le prendre sur leur marge, ça aussi. Et des fois, ils sont obligés de le vendre en bas de leur prix coûtant parce qu'on a vu, c'est 5 % là, le bénéfice qu'ils peuvent faire là-dessus. Fait que ça non plus, c'est pas aider les fabricants. Puis on le sait, là, Future Shop et Best Buy, ils en vendent, à la rentrée scolaire, on va en rentrer des ordinateurs. Oups, pour Noël, on va en rentrer. Le restant de l'année, là, le stock est au plus bas. Ils ne tiennent pas. Quand tu vas dans la section Apple d'un Future Shop, il n'y a personne qui est là pour t'aider. Il n'y a personne qui est là pour t'expliquer c'est quoi le produit. Puis c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fait. Le Apple Store est basé là-dessus, de toute façon. En parlant d'Apple encore, Apple, on a lancé cette semaine un nouveau. C'est quoi en français? Recall? Rappel. Un rappel. Oui, un rappel sur les iPhone 5 avec le bouton Home. Pas le bouton Home, le bouton On-Off. Non, c'est le bouton Home. Non, c'est le bouton en haut, là. Ah oui, c'est le bouton en haut, OK. Oui, c'est le bouton en haut. Mon beau-frère a le problème, tu sais. OK. Des fois, il ne fonctionne pas. Fait que Apple a procédé à un rappel. Vous avez juste à aller sur... vous tapez Apple rappel iPhone 5. Et vous allez tomber sur le site. Vous rentrez votre numéro de série de téléphone. Si vous ne savez pas comment aller le chercher, vous avez deux choix. Vous le branchez à votre ordinateur. Dans iTunes, vous appuyez sur, vous allez voir sur votre téléphone, vous allez voir le numéro de série qui apparaît. Vous pouvez le copier. Ou vous allez dans Réglages, Général et À propos. Et vous allez voir le numéro de série de votre appareil. Fait que vous rentrez votre numéro de série d'appareil et le site web va vous dire si vous êtes éligible au changement. Le problème, c'est qu'avant... Avant, ils réparaient sur place, mais pour cela, ils vont l'envoyer chez Apple, le faire réparer et ils vont vous le renvoyer par la suite. OK. Mais, ça peut prendre combien de temps? Ça peut prendre 7 à 10 jours à 2 semaines, là, on ne sait pas. Je n'ai pas encore vu personne aller. Faut que j'y aille, là, parce que je suis éligible. Fait que même s'il fonctionne, je vais aller le faire changer quand même. OK. sais que tu as un crédit de 300$, sinon, je pense, pour l'achat d'un... Ouais, mais je sais pas si ça fonctionne ici au Canada. Je sais qu'aux États-Unis, mais au Canada, ça serait à voir. Fait que, mec, j'y aille, je vais demander. Fait que je vais demander au gars si on peut avoir un crédit de 300$ sur un prochain téléphone. C'est ça. Fait que il envoie votre téléphone chez Apple pour le faire réparer. Ils vont vous le ramener. Pour une fois, Apple ont des téléphones iPhone 5 de 16 gigs de disponibles. Okay. Ils peuvent vous en passer un s'ils en ont. S'ils en ont sur place, là, s'ils ne sont pas tous pris ou whatever. Là, parce que... C'est intéressant, par contre. C'est, oui, c'est intéressant. Sauf que si, mettons, il n'y en a pas d'iPhone de disponible, de remplacement, ben il va falloir que tu y retournes. Parce que, tu sais, comme nous autres, on a besoin de nos téléphones là, pour, ouais. pour travailler, pour fonctionner. Tu sais, je veux dire, on a besoin de ça. C'est correct s'ils en ont, mais s'ils en ont pas. Ce que je comprends pas, c'est que ça prend... Je sais pas combien ça leur prend à iRepair pour changer un bouton on-off sur un iPhone, là. Mais ça doit pas prendre 5 heures, là. Non. Tiens, ça doit pas être bien, bien compliqué à changer un bouton on-off, là. T'sais, ils sont capables de réparer des MacBook Pro en arrière ou d'ouvrir une dalle d'un iMac, là. Je pense pas qu'il y aurait de problème à changer un bouton on-off d'un iPhone 5. Là. Mais en tout cas, si vous êtes éligible, allez-y. C'est gratuit. Parce que vous ne savez pas si ça peut arriver. Ça peut déjà être le problème que vous avez ou un futur problème. Fait que, vu qu'il y a un rappel, allez-y, c'est gratuit. Vous allez avoir un bouton on-off gratuit. Pour ceux qui n'auraient pas d'Apple Store proche de chez eux, est-ce que c'est possible de le faire par courrier ou par... Non, vous allez dans une boutique accréditée à Apple. Okay, j'imagine qu'on peut téléphoner au 1-800-MY-APPLE aussi. Je pense que le site web le dit. OK. Je pense qu'il y a le choix. Là, vous pouvez choisir les Apple Store ou les Rental Store. OK. Puis vous allez là, puis ils vont s'arranger avec vous. Par exemple, si vous n'allez pas au Apple Store, je pense pas qu'ils ont téléphone de remplacement. Là. Non, probablement pas. Non. C'est plus au Apple Store qu'ils ont ça. Alors, ben c'est ça. Là. Fait que c'est un petit rappel que je viens de penser. Fait que... Allez-y. Excellent. Voilà. Eh bien, on passe de ce pas aux découvertes et applications qu'on a trouvées durant les deux dernières semaines. Mac Québec se poursuit dans un moment. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Mac Québec. De retour au podcast de Mac Québec. Merci. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'était le piton du retour, mais il a laissé un gros buffer à... Ben, je pense que tu es supposé commencer à parler quand le son est... Ah, c'est ça. C'est ça. Ben, on va... Attends. Non, je ne le ferai pas. C'est parce que c'est la première fois que je l'utilise. Quand je revenais de pause, je faisais comme le même bouton. Là, ça faisait « on est de retour après la pause ». Mais là, la pause est finie. De retour, mais c'est ça, il y a le buzz à la fin. Bref, avez-vous des découvertes, messieurs, que vous avez, des trucs que vous avez trouvé intéressants durant les deux dernières semaines? J'ai-tu téléchargé? Et tu peux aller dans... Ah oui, mais j'ai téléchargé, ben, c'est un jeu, là, c'est un petit jeu, là, ça, c'est Family Guy. OK. Ils ont fait comme les Simpsons Tap Out, là, c'est un jeu de gestion. C'est bien, c'est le fun, c'est addictif parce que tu sais, parce que c'est un gros humour Family Guy de Seth MacFarlane dedans. Oui. Okay. Fait que c'est, c'est très le fun, c'est drôle là, c'est super bien fait. C'est juste que parce que si tu veux pas dépenser de l'argent parce qu'il y a des in-app purchases et si tu veux pas dépenser de l'argent, faut que tu retournes à ton jeu là, tu peux pas. Attendez un peu, là, le téléphone sonne. Réponds pas. Non, c'est le téléphone à Jason, c'est pour ça. Ils vont vouloir une bande d'une assurance, là. Ou ils vont t'annoncer que tu as gagné une croisière pour deux dans les Bahamas. Bon. Fait que c'est ça. Fait que non, mais c'est le fun. C'est un petit jeu de gestion. C'est super bien fait. C'est ça. Puis j'ai pas. C'est assez. Non, c'est le fun. J'ai bien aimé ça. Mais je joue pas bien à des jeux sur mon téléphone. Je suis pas un gros joueur. Fait que je joue pas à ça, moi. Fait que les découvertes de jeux, d'applications, les applications, moi, je suis encore avec mes applications que j'utilise de tous les jours. Là, tu sais, je veux dire. Il n'y en a pas vraiment qui comme en fait, on ne fait pas juste plugger des applications, on plug aussi des produits novateurs ou des trucs comme ça. Entre autres, en fait, il y a une campagne sur Kickstarter qui roule en ce moment pour un produit qui s'appelle le Double Time. Et le Double Time, c'est un câble sur lequel il y a un petit bouton. Et ce bouton-là permet de mettre le câble en mode recharge ou en mode synchronisation. Si vous le mettez en mode synchronisation, ça fait exactement la même chose que le câble que Apple vous fournit. Par contre, si vous le mettez en mode recharge, eh bien, il y a comme un switch qui se fait au niveau des pins à l'intérieur du câble qui sont à ce moment-là toutes dédiées à faire rentrer de l'électricité dans l'appareil et donc qui permettent de recharger plus rapidement le dit appareil. Donc, ça le permettrait de gagner, attendez une seconde, je vais aller regarder, là, mais ça permettrait de passer de 0 à 100 % de la batterie en la moitié du temps que ça prend avec un câble régulier. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et le câble, on ne dit pas à combien il se détaille. Je vais aller voir sur le Kickstarter. T'as-tu peur, toi, de mettre de l'argent là-dessus? Sur Kickstarter? Ouais. À date, les produits dans lesquels j'ai investi m'ont honnêtement un petit peu déçu. Mm-hmm. Par contre, bon, je le fais un peu pour... parce que, bon, pendant longtemps, j'ai vu qu'il y a... Sur Kickstarter, il y avait quand même des bonnes idées. C'est sûr qu'il y a des... Tu sais, il y a quelqu'un qui sort une idée, puis il y a comme 3-4 projets à côté qui ressemblent avec un petit changement, puis que c'est moins cher, puis tout ça. Ça me fait moins triper, mais il y a des produits quand même assez novateurs, puis qui font ce qu'ils disent, mais c'est rien de complètement wow. Tu sais, c'est une compagnie qui fait fabriquer un premier produit, souvent en Chine. Souvent, ils ont mal calculé leurs choses. Puis, bon, finalement, le truc leur coûte plus cher, mais bon, ça peut être intéressant pour certaines choses. Fait que, mm-hmm. Je continue à... Il y a beaucoup de petits produits comme ça qui sont intéressants, puis je vois beaucoup de gens quand même investir dans des trucs sur toi, t'as-tu trouvé quelque chose, Jean-Michel? Non, j'ai pas vraiment eu le temps de voir les nouvelles applications, les nouvelles choses, mais j'ai vu quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est sur iPhone in Canada. C'est une espèce de... Je ne sais pas si on avait déjà parlé. C'est une espèce de porte-clé. C'est un mini-câble Lightning d'à peu près peut-être 10 cm de long là, qu'on peut attacher là, sur son porte-clé. C'est intéressant quand même parce que ça fait que si jamais on se retrouve dans une situation où on n'a pas notre câble Lightning avec nous ou on n'a pas notre chargeur d'iPhone presque tout le temps quand on n'a pas un sac à dos, on a juste besoin d'une prise USB puis de connecter ce petit mini câble-là qu'on traîne sur notre porte-clé. C'est quand même intéressant. Je me souviens plus du nom, par contre. Là, j'aurais peut-être dû le rechercher avant, mais j'ai pas pensé. Et c'est un des projets dans lequel j'ai investi récemment. Eux ont des petits problèmes, justement, au niveau de la fabrication. Le produit va être fait, mais ils ont des petits retards au niveau... au niveau de... Ça s'appelle le torso. Non, c'est pas... non, je viens de le retrouver. Ça s'appelle Nomad Keychain. C'est déjà disponible, ça. C'est pas en... En Kickstarter. Pas en Kickstarter. C'est vraiment là, sur le site web que j'ai vu ça. Et puis, il y avait un spécial cette semaine, je pense. C'est 2 pour 30$ à peu près, ou quelque chose comme ça. OK. C'est vraiment intéressant. Puis il y en a un autre, c'est un format carte de crédit qu'on regarde dans son portefeuille. Là. Mais le porte-clés est vraiment intéressant. Puis c'est pas laid là, non plus. Là. Excellent. Puis en plus, on a le choix soit avec le Power Lightning, qui est main for iPhone, je crois. Il faudrait que je vérifie là, ce que je dis, mais ou on a un port micro USB justement pour les utilisateurs de téléphone Android. Excellent. Sinon, eh bien, Transcend qui a présenté une solution de remplacement pour les disques durs dans les MacBook Air ou les MacBook Pro Retina de 2012. On sait que ces appareils-là, en fait, sont difficilement ouvrables, mais c'est quand même possible de le faire en tant que tel. Et ils vendent une petite carte, en fait, pour augmenter le disque dur. Donc, on peut avoir des disques durs de 240, 480, et 960 gigs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils fournissent même un petit boîtier USB 3 dans lequel on peut mettre l'ancien disque dur et à ce moment-là, le transformer en une espèce de disque externe USB 3 SSD, donc quelque chose de très rapide. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le trim est géré sur le disque dur. Donc, pas besoin de trim enabler, oui, c'est bis. C'est dans le disque directement que le trim se fait. Ah ben. Ça, c'est disponible sur Amazon si vous cherchez un peu. Transcend vend ce produit-là. On a aussi Oscar Mayer. Oscar Mayer, c'est la compagnie de bacon. Bacon Canadian. C'est une marque de Kraft. Exactement. C'est aux États-Unis. De Kraft. Et ils vendent du bacon et ils ont fait un bold move cette semaine. Ils ont fait une campagne publicitaire couplée puis on le voyait en fait, vous pouvez le voir, il y a un article dans la presse plus ce matin dans la section affaires, donc de mardi matin. C'est du wearable computing ou en fait du de l'internet des objets là ou quelque chose comme ça couplé à une campagne publicitaire. Donc la campagne publicitaire ressemble à une campagne de parfum. Elle joue sur les stéréotypes de gens qui vouent un culte au bacon, entre autres notre ami François Frank the Tank. C'est très cool parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fabriqué, ils ont distribué un petit distributeur de senteurs dans lequel on met une espèce d'huile essentielle, mais de senteurs de bacon, qui est couplée avec une application de réveil matin. Et à ce moment-là, en fait, on branche le téléphone sur cet appareil-là et le matin, on est réveillé avec une bonne senteur de bacon. Qui est en cuir. OK, qu'est-ce qu'on peut faire sur un iPhone pour jazzer la marque, pour faire parler un peu de nous autres? Je trouve que c'est une campagne publicitaire qui est assez intéressante. Puis, personnellement, moi, j'aimerais ça l'avoir, le truc qui sent le bacon, juste voir si ça sent le bacon pour vrai. J'aime ça me réveiller puis que ça sente le bacon. Est-ce qu'ils ont donné un prix? Non, parce que c'est, je pense que c'est donné. Il fallait participer à un concours, s'inscrire à de quoi. Mmh. Il n'y en a pas eu beaucoup. J'espère peut-être en chercher un dans quelques temps sur eBay et en trouver un. Ben oui, bon, oui, c'est clair qu'ils vont sortir. J'imagine ça. Qu'après un certain temps, l'odeur de bacon, ben, c'est une cartouche, ça doit être comme une genre de branchée Glade, là. C'est une cartouche là, de senteur. De petites bouteilles d'huile essentielle là, que tu à l'intérieur du. Mmh. De senteur qui fonctionne à batterie puis qui fait juste utiliser la batterie de ton téléphone, en fait. Là, mm-hmm. Effectivement, comme s'il avait fabriqué un branché Glade à saveur de bacon avec recharge iPhone dessus. C'est ça. Voilà. Sinon, eh bien, je suis tombé sur un article dans Le Monde informatique, dans la section actualité, qui parlait de vêtements capables de recharger un smartphone. Et c'est pas la meilleure idée parce que c'est fait avec des panneaux solaires. Donc, les panneaux solaires sont d'abord cachés, sont comme repliés dans le vêtement. Fait que la robe, elle a l'air assez monotone avec des plis qui n'ont pas vraiment rapport, des espèces d'épaulettes pas rapport. Mais c'est quand tu ouvres les panneaux solaires que ça devient drôle parce que, écoute, t'as l'air d'avoir un costume de Super Saiyan sur le dos avec des épaulettes pointues à la Vegeta, puis le panneau solaire qui est là-dessus. Et ce qui est très intéressant puis qui n'a pas de sens, c'est qu'ils disent « c'est fun parce que tu peux recharger ton téléphone en passant 2 heures sous le soleil. » Ça se peut pas. C'est n'importe quoi. Comme le cancer, dude. Ça... Hey, ils savent plus quoi sortir. Ben, tu sais, si... je sais pas si... dans le si on avait fait un tissage spécial avec, je sais pas, une nouvelle fibre ou quoi que ce soit, puis qu'on avait plugué ça à une petite batterie plate qu'on avait cousue dans un endroit du vêtement, puis que c'était par le frottement, parce qu'on le sait, là, le frottement est en mesure de créer de l'électricité, ça aurait été vraiment plus intéressant. Là, tu sais, si je vais te passer un chapeau que tu vas te mettre avec un panneau solaire dessus. C'est ça. Il ne porte pas des casques de vélo parce que ça a l'air épais. Qu'est-ce que tu penses d'un panneau solaire sur ta tête, sérieux? Mais oui. C'est comme cette semaine, c'est dans le journal qu'on a vu ça, là, les BlackBerry puis les téléphones qui ont explosé la batterie. Là. Ben ça, oui, il y en a souvent. Là, les batteries sont toutes fabriquées par Sony, ont des troubles avec ça aux 5 ans. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme, tu sais, on fait une grosse histoire, parce que c'est pas nouveau, les téléphones qui explosent, tu sais, c'est comme, tu sais, ça prend pas grand-chose à une batterie au lithium pour exploser, là. Tu sais, tu fais que plier un petit peu ton cellulaire, puis la batterie, elle a quelque chose, tu sais, puis pouf, ça s'embrase tout de suite, là, tu sais, c'est comme... Liquid cool, c'est fini, là, tu sais. Ah, c'est fini, oublie ça, là, c'est comme, non. Mais bon... J'aimerais finir la chronique avec deux applications. La première, une que je n'ai pas nécessairement encore essayée, qui s'appelle Authy, A-U-T-H-Y. Et ça ne doit pas être disponible sur le App Store parce que ça fait des changements quand même assez importants. Ça permet d'appliquer l'authentification à 2 facteurs à son ordinateur. Donc, si vous pensez que le mot de passe n'est pas assez solide en termes de système de sécurité, eh bien, Authy vous permet d'amener cette authentification-là. Donc, j'imagine que ça se synchronise avec le téléphone, ça envoie un SMS quand on essaie de rentrer. Et là, si vous avez votre téléphone, ben vous pouvez le faire. Il y avait une autre application du même genre dont on a parlé il y a quelques semaines qui s'appelait Knock. Mm-hmm. Et Knock permettait de cogner sur son téléphone quand on était à proximité de son ordinateur pour barrer son ordinateur. Donc, c'était plus de rajouter un niveau de simplicité à la sécurité de l'ordinateur plutôt que d'ajouter de la sécurité à l'ordinateur. Sinon, en fait, en rafale... Il y a Popcorn Time qui a été mis à jour. Popcorn Time qui a été mis à jour. On va en parler. On essaie d'avoir des invités pour parler de ça en général puis d'avoir une bonne discussion. On en a eu une bonne tout à l'heure sur les ventes éducationnelles ou les ventes au Apple Store, mais ce serait intéressant d'avoir une discussion là-dessus. Les autres applications en rafale que j'ai téléchargées cette semaine, il y a un des jeux, un jeu très, très beau. Exceptionnellement beau, que j'ai pas vu grand-chose qui accotait ça sur le App Store. Ça s'appelle Leo's Fortune. C'est l'histoire d'une petite boule poilue verte avec une moustache et une espèce d'accent russe ou est-européen. C'est très, très drôle. Donc, c'est un jeu de plateforme, mais qui est très, très beau dans un monde... gazonné, mais il y a beaucoup, beaucoup de détails. Et moi, ça m'a attiré parce que Léo, c'est le prénom de mon fils. Donc, j'ai téléchargé. Cette semaine, j'ai téléchargé 3 applications qui sont intéressantes aussi. Il y a Accomply ou Accompli, qui est une application, en fait, qui ferait penser à Outlook, mais pour le iPhone. Donc, c'est une application qui regroupe calendrier, contact et email dans une application qui ne supporte que les comptes Gmail ou Exchange. Donc, ça vaut la peine d'aller regarder ça. Il y a une autre application qui s'appelle PlantNet. Je ne sais pas si ça fonctionne bien au Canada, par exemple, mais c'est une application qui est capable de faire l'identification des plantes par photographie. Donc, vous photographiez une plante, puis ça vous l'identifie. Oui, oui, j'ai vu passer ton tweet là-dessus. Ouais. C'est intéressant. Et j'ai récupéré des cartes d'affaires cette semaine et je me demandais comment les rentrer dans mon téléphone le plus rapidement possible. Et en cherchant un peu, les gens qui font Evernote, qui commencent à avoir un bon portfolio de logiciels avec Sketch, avec Evernote, ont sorti récemment une application qui s'appelle Hello, que vous pouvez télécharger gratuitement et qui est une application qui permet de rapidement scanner une carte d'affaires et de remplir les différents champs de contact qu'on aurait dans le carnet d'adresses et de les envoyer dans le carnet d'adresses. Tout ça est gratuit, donc on vous suggère fortement de jeter un coup d'œil là-dessus. On est bientôt à... On a-tu commencé en retard le podcast de 10 minutes? On est bientôt à plus de 2 heures. Oui. Est-ce qu'on a eu des questions? Je pense pas, hein? Je pense pas, non. Il n'y a pas... Non. Donc, vous faites mal aux amateurs de Mac. Bonsoir. On va être obligé de faire quelque chose avec ça. Sinon, messieurs, je pense que ça a fait le tour. Ça a été un excellent show. Oui. Très intéressant. Oui. Petite discussion là, un peu relevée avec Jean-Michel sur les Apple Store, c'est vraiment intéressant. Donc, on va faire la publicité du podcast là-dessus. On vous remercie d'avoir été avec nous. On aimerait aussi remercier nos commanditaires, soit iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnelle qui vont très bien, qui devraient me donner un appel pour différents produits que je leur ai laissés récemment. Donc, des beaux défis, je pense. Là. Ah ouais? Oui, des vieilles carcasses d'ordinateurs pseudo en shape avec des iPhones semi-fonctionnels avec des boutons home défectueux puis tout ça. Fait que je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je les mets au test, mais je suis sûr qu'ils vont relever le défi avec brio. On remercie Coop UQAM qui perd sa licence éducationnelle, mais qui encore pour un bon bout de temps travaille avec des gens qui ont une expertise en Mac. Donc, ça vaut peut-être la peine d'aller les rencontrer à la boutique informatique du 279 Sainte-Catherine-Est. ReptileTech, qui nous donne un bon coup de main pour l'infrastructure. L'INIS, Centre de formation, Institut national de l'image et du son, situé dans le centre-ville de Montréal, à 2 pas de la coop informatique de l'UQAM, et Téléstream pour le logiciel Wirecast qu'on n'a pas utilisé ce soir. And Téléstream, I want to tell you that we haven't received our license for Wirecast 5 shows. Dit-il dans son meilleur accent anglais. J'ai fait exprès pour être pourri comme ça. Je veux juste, avant de partir, vous donner des dates. Il y a le... Je sais pas si je vais le trouver rapidement. Allez voir sur le site du Front créatif de Montréal, le NAB étant passé. Il va y avoir le post-NAB qui va avoir lieu à Montréal au Théâtre TELUS dans... pas grand temps. Oui, je l'ai ici. PostNAB. Le 4 juin à Montréal, le PostNAB va avoir lieu. Donc, ça peut être très intéressant si vous êtes... si les produits vidéo, tout ça vous intéresse. Je sais qu'il y a des podcasters qui nous écoutent. Ça peut être un excellent endroit où aller voir les nouveaux produits si vous êtes sur le marché pour regarder pour une solution de streaming vidéo. On sait que ça commence à être de plus en plus intéressant au niveau des solutions embarquées. Nous, on est allés l'année passée. C'était vraiment trippant. Puis probablement qu'on va y retourner cette année, Jeff? C'est à quelle heure, ça? 3 heures de l'après-midi? Ça commence à 3 heures de l'après-midi, mais on peut arriver un petit peu plus tard. Donc, tu pars de la job. Ouais. Là-bas. Ça va être pour ma fête. Ma fête, c'est le 6 juin. Tu vas venir, mon party de fête, ça va être au PostNAB. On va retourner manger à la station des sports. C'était tellement bon. Ah, tabarnak! Quand j'ai eu faim, puis quand j'ai eu mon assiette, c'était comme pas le même fuseau horaire. Aïe, aïe. n'allais pas mentionner. J'étais en train de dealer avec eux autres pour avoir une super commandite. Ouais, boy. On va l'avoir en 2018. Mm-hmm. Non, on n'ira pas à la station des sports. Non, on ira. Bon, on va y aller au PostNab. On va aller voir le nouvel équipement de Blackmagic. L'équipement qu'on ne peut pas s'acheter. Allez dire salut à Mathieu Marano et sur l'équipe. Ben ouais. Voilà, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les intertubes? Ben moi, on peut me retrouver sur Twitter @GFroy1979, sur Google+, que j'ai continué un petit peu plus à y aller. Sauf que moi, ce que je comprends pas sur Google+, c'est que quand on feed, il se met pas en ligne. Hein, je veux dire, c'est tout mélangé sur ce feed-là ou c'est moi qui n'ai pas bien? Tu sais, il suit pas, là. Ça, tu peux avoir des nouvelles d'hier qui apparaissent ou... C'est un peu mal fait. Là. Ben, c'est parce que Google connaît tellement ta vie qu'il essaye de deviner ce qui va t'intéresser. Puis, Ah, sûrement. C'est peut-être ça aussi. Ouais, t'as raison, Jean-Michel. T'as raison. Mais non, mais c'est quand même bien. On a beaucoup de nouvelles choses, surtout côté photo. Là, fait que c'est bien. Toi, Jean-Michel, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? On peut me retrouver de moins en moins sur Facebook et de plus en plus au @JM_Boily sur Twitter. Pourquoi te délaisser Facebook? Non, c'est juste plus intéressant. C'est juste des vidéos de personnes qui m'intéressent plus, puis des articles d'images pseudo-humoristiques qui sont repostés des milliers de fois là, sur Internet, sur tous les sites. Mm-hmm. Parce qu'on ne suit pas les bonnes personnes. Parce que mon feed Twitter, moi, commence à salement me polluer la vie. C'est pas pour tout le monde, là, évidemment, mais puis j'y vais de moins en moins. Donc, je suis de moins en moins au Alex Cornelier sur Twitter. Par contre, ça m'arrive de temps en temps de poster des découvertes Apple, donc je vous invite à me suivre. Vous pouvez me suivre sur ClickPom aussi, ClickPom, où est-ce que je vais poster du matériel un petit peu plus corpo, des solutions qu'on trouve ou qu'on essaye chez ClickPom et qu'on trouve intéressantes. Et vous pouvez me retrouver sous le nom de Almapex dans le monde de Diablo 3 où je quand il fonctionne. Oui, quand il fonctionne. En ce moment, il est down. Donc, voilà. Et sinon, le prochain show est quelle date, Jean-François? Ou GM? Prochain show, on tombe là. Attendez un peu. Ce sera pas long parce que nos ordinateurs chauffent tellement avec Hangout. C'est comme... là, on tombe en mai. Aux alentours du 12 mai, quelque chose comme ça. Ouais, 13 mai. Ça ouais, bon. 13. Non, 15 mai. Ah non, je pense pas. Moi, non, excusez. 13 mai, ouais. 13 mai. Cette journée-là, je vais pouvoir être là. Vous? En espérant qu'il y ait de l'électricité dans notre local habituel. Oui. Non, en fait, d'ici là, on va chercher quelqu'un pour jouer au hamster puis pédaler. Ouais. Ben ouais. On va s'installer dans la rue avec tous les quêteux là, qui sont en avant du local. Là, puis on va se faire une petite installation style line-up de iPhone. Puis... Ben, on pourrait, oui, mais ce qu'on pourrait, c'est les habiller avec des vêtements à panneaux solaires puis se faire de l'électricité comme ça, comme à Apple. Exactement. Mm-hmm. On va faire ça avec le petit monsieur chinois anglophone qui nous a dit salut deux fois. Ah, c'est un chinois, c'était pas un Américain. Non, c'était un chinois, ouais, c'était après quand même. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Excellent. Ben sinon, on vous dit dans deux semaines. On espère que l'actualité Apple va être aussi riche et qu'on va pouvoir se retrouver en studio. On a quand même mangé ensemble ce soir, mais. Mm-hmm. Oh, aussi. Ah. Bye, là. Bye, là. Salut tout le monde. Tu mets pas un petit thème, là, mais dans un petit thème, là, quelque chose, là, tu sais, genre, à Québec, là, ping, là. Attends, podcast, ouverture, retour, avant la pause, hein. Mac Québec, le podcast.